Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ready to Random, le podcast qui parle de choses et d'autres, mais pas que. Avec aujourd'hui autour de la table, avec moi mes trois drôles de dames, mes Athos, Porthos et Aramis, ma belle, ma bulle et ma rebelle du podcast. Oh. J'ai nommé Nicolas. Bonjour. Charlie. Salut. Et Sacha. Enchanté. Bonjour à tous, alors comment ça va? Ça va bien. Bon, ça va. On est un peu stressé, mais bon, ça va bien. J'imagine. Attends, juste pour savoir, moi je suis qui? Aramis ou Porthos? Parce qu'en termes de bide, je pense que je ne suis pas Porthos. Toi, t'es Albert le cinquième mousquetaire, je parlais pas de toi en fait quand je disais ça. Ah d'accord. Parce que c'est le plus petit. ça c'est mon soutien invisible. Alors, tout d'abord, comment appréhendez-vous ce premier podcast qui sera donc l'épisode 0, le pilote de Ready to Random? Sacha? Bonjour. Sacha qui n'entend pas mes questions. Si, j'ai entendu. Comment j'appréhende? Ouais. Et bah maintenant qu'on y est, on y est quoi. J'ai envie de te dire, j'étais un peu stressé, mais bon, vu que c'est moi qui commence, c'est parti mon kiki quoi. Ouais. Et toi Nico? Moi je vais l'appréhende en allant aux toilettes cette fois avant, afin de libérer mon stress. Ça pique les yeux. Sachant qu'avec vous deux, on a déjà fait l'expérience du podcast avec plusieurs projets à notre actif qui sont, on peut le dire aujourd'hui, une incroyable réussite. Un franc succès. Et Charlie, qui lui démarre avec nous son premier enregistrement de podcast. C'est mon premier. Et son Charlie, dernier probablement. Comment tu vas-tu? Un peu d'appréhension aussi, hein, sachant que Sacha et Nico ont de l'appréhension, donc ça se transmet, tu vois. Donc, tranquille quoi, tranquillou. Non, c'est bon, je suis. Parfaitement. On voit pas tes gestes en fait, c'est vraiment une émission de radio. Là, je fais le OK. Radiophonie. OK, comme si on était solo. OK. On a un nouvel instrument, hein. c'est ce petit iPad qui fait des bruitages. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, public? Le public apprécie en tout cas. Les gens se marrent. Ouais. On est la sitcom du podcast. Non, mais t'inquiète pas, Charlie, tout va bien se passer. Alors, au sommaire de ce soir, la chronique vulgaire de Sacha, ouais, qui va nous parler de ce petit réseau social qu'on appelle Facebook, et notamment la façon dont les gens l'utilisent aujourd'hui. Ensuite, oui, je viendrai vous parler de rangement, d'optimisation de l'espace avec le minimalisme. Puis Nicolas se demandera s'il est fondamentalement nécessaire d'être un leader. Et enfin, Charlie terminera avec une réflexion sur ce que sera de vivre dans le futur. Alors, on commence tout de suite avec toi, Sacha. Eh bien, juste pour dire que tu t'appelles Fred, Frédéric, Fred, on l'a pas dit. Bonjour, je serai le présentateur de ce podcast ce soir. Voilà, bonjour. Écoute, à tous. Enchanté. Et alors, bon Sacha, courage. C'est à toi, c'est quand tu veux. Eh bien, bonsoir. Alors, moi, ma chronique, on a appelé ça la chronique vulgaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gros mots à la lecture. Ou là, il en perd son micro. Le micro qui tombe, je le repositionne. Attends, je meuble. Heureusement qu'on a un public. Merci chaleureux public. Ce soir à Boulogne-Billancourt. Alors, le titre de mon podcast, de ma chronique, c'est « Les connards dépressifs et les gentils » ou alors « La manipulation moderne sur Facebook ». Tout un programme. Moi, j'ai envie de te dire, allons-y, hein. Alors, Facebook. Alors, je suis allé sur Internet. Qu'est-ce que c'est que Facebook? Facebook, entre guillemets, Facebook vous permet de rester en contact avec les personnes qui comptent dans votre vie. Facebook, ce n'est pas un réseau social, c'est le réseau social. Google stocke la mémoire du monde. Google, c'est les souvenirs de l'humanité. Et Facebook, c'est plutôt la partie la plus sombre du cerveau de la planète, l'inconscient. Pour moi, c'est les frustrations collectives, le mal-être de l'espèce humaine, l'hystérie générale, le refoulement de notre époque. On va se marrer. Merci. Excuse-moi, j'ai un petit temps de... Je vais m'améliorer avec le temps pour les... Écoute, lance-moi une petite musique qui accompagne ma voix douce et suave. Alors Facebook, qu'est-ce que c'est? Facebook, c'est 1,04 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens. Sur un total de 1,59 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Il existe, selon mon étude, qui n'a de valeur que la justesse de mon jugement et l'honnêteté de mes opinions, deux majorités d'individus sur Facebook. 1. Les connards. 2. Les gentils. deux catégories très simples, dont je vais dresser le portrait avec plusieurs exemples. On essaiera de voir si on se retrouve dans l'un des deux. J'espère que tu te retrouveras parmi les connards. Gentil, une des définitions, c'est plein de bons sentiments à l'égard d'autrui. J'ai pris une autre définition, une citation qui dit ceci: sur ton lit de mort, tu pourras dire « Je n'ai rien fait de ma vie, je n'ai rien eu de ce que je voulais, mais tout le monde m'a trouvé gentil, génial. » Laurent Gounel. Une autre citation, « Les gentils, c'est des bœufs qui se laissent mener à l'abattoir. » Hervé Jaouan. Je n'ai pas lu leur bouquin, hein. J'ai juste scolairement copié-collé la citation pour agrémenter mon introduction. Donc j'ai épluché vos fils d'actualité, à vous qui m'écoutez, et parmi mes centaines de super amis hein, sur Facebook, en fait, j'ai eu besoin que de regarder une dizaine seulement de profils pour en extraire tous mes exemples. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un sujet énorme, une source inépuisable d'inspiration. Je pourrais écrire un roman là-dessus, un recueil de saloperies ou un manuel pour exister sur Facebook. Deux points, sortir de sa dépression. Un petit peu de musique, un peu de manfort. J'ai peur qu'on ne m'entende pas. Absolument. Non, je sais pas. Ça va le... Ouais, non, je baisse un petit peu. Oui, c'est... Bon, c'est la première. Hein. On rôde un peu. Exactement. Alors, première partie, je l'ai intitulée RIP. RIP. Je démarre fort. Hein. C'est glauque. Mais promis, après, ce sera beaucoup moins drôle. Quand quelqu'un décède, on est triste. On est perdu. Et la vie a un goût différent. On se réunit en famille, entre amis, on se soutient, on se rappelle à quel point on s'aime. Mais sur Facebook, mon Dieu. Mais ceci est une autre histoire. Sur Facebook, RIP. Tellement triste. Repose en paix, petit ange. Tu vas nous manquer. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, le pied à l'étrier. Et j'en ai passé du temps à l'étrier, tous ces statuts. Pourquoi avoir besoin... Merci. Pourquoi avoir besoin d'écrire ça, à votre avis? Pour exister. Exister, exister. Du latin ex, sistere. Être vivant, avoir une réalité, être debout, stable. C'est l'essence de l'être humain, vouloir être vivant. Vrai. Mais trop vouloir ça, c'est avoir peur d'être oublié, de n'être personne. Personne. Et de devoir assumer seul son existence... Cette vie qui n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Là, il y a un type qui est mort, quand même. Alors, il est mort, et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais en profiter pour exister, qu'on compatisse pour moi, ma peine à moi, qu'on se dise que je vis un moment difficile, qu'on pense à moi. Je mets un statut. RIP. Non, non, non, je n'ai pas besoin de dire qui est mort, ni comment. Ce qui compte, c'est que moi, tu vois, on sache que je suis triste. Allez, salopard. À quoi ça sert qu'il soit mort si personne de mes amis Facebook n'est au courant? Moi, je vais exister. J'ai mis un costume noir. Quoi. J'affronte des épreuves. Ma vie n'est pas morne et linéaire. Pensez à moi, merde. Bref, tout est bon pour exister, même la mort des autres. Et attention, bien sûr, dans ce pseudo, je ne dis pas qui est décédé. Hein. Je laisse planer un mystère, je provoque un peu la panique, j'attire les curieux. Je ne réponds pas forcément aux commentaires. Je range mon téléphone dans mon sac à main ou la poche de ma veste noire Zara. Que je peux enfin porter pour l'occasion. Enfin. Ça nous amène à ma seconde partie, c'est les artistes qui décèdent. Bon, ça, on en parle souvent. Oh mon Dieu, c'est fou le nombre de gens qui ont ce besoin d'attention quand un artiste meurt, comme le génialissime David Bowie, Alan Rickman, vous savez, c'était ce professeur Rogue, mon Dieu, mon enfance est gâchée. Prince, je suis terrassé, Purple Rain, et tous ces autres tubes que je connais pas bien. Ça, c'est le générique de Game of Thrones. Game of Thrones. Voilà. Au revoir, on peut lire sur Facebook. Dieu rappelle à ses côtés les meilleurs qui partent en premier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Putain, on cherche une photo de moi déguisé en Harry Potter quand j'étais petit ou mon papa qui écoute un vinyle de David Bowie. Merde, dans quel dossier je l'ai foutu? Il faut que j'existe encore un peu dans l'actualité morbide. Je fais partie de l'histoire, regardez la preuve. Il y a la photo, c'est moi. J'ai un putain de lien avec l'artiste. Ma peine est légitime. Tellement triste. Ça, c'est un autre pseudo. Ça, pour moi, c'est une combinaison entre le statut RIP et le statut flou. Juste, je suis tellement triste. Alors là, tout de suite, un premier commentaire. 5 points d'interrogation. Vont commenter les gentils. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Et puis, il y a quelqu'un qui va dire « David Bowie ?» Toi aussi, tu es choqué. Je suis dans un mauvais rêve, j'ai l'impression qu'on va se réveiller. Hein. On peut noter le « aussi » pour exister. Hein. Ça, c'est la personne qui commande ce statut veut également parler de soi, s'inclure. J'existe, avec toi on existe, on s'approprie la peine, on est là, on est vivant. Bon, là, quand on se rend compte, quand la personne se rend compte qu'on a compris qu'elle disait « je suis triste », pour David Bowie, un petit peu grillé, donc comment s'en sortir ? Soit on supprime le commentaire, soit on continue de laisser planer le doute. Enfin bon, c'était une année de merde, quoi. T'es choqué ? T'avais même vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur YouTube, tu te rends compte, David Bowie, quoi. Merde. Ça nous amène à cette troisième partie, les statues floues. Les statues floues, c'est un statut qui vise une personne en particulier ou un événement particulier sans jamais l'évoquer. Elle se reconnaîtra. Trahison. Alors toi, tu vois ce statut, tu sais pas trop de quoi elle parle, tu t'inquiètes, toi t'es un gentil. Mais non, entre guillemets, seuls les vrais savent la nature de cette trahison. Ces gens qui parlent dans le dos, toi t'es pas un vrai, toi t'es gentil, tu sais pas qui c'est. Parce que seuls les vrais savent. Mais bientôt, ces mêmes connards vont faire un statut en disant qu'ils vont faire du ménage sur Facebook. Allez hop, ça fait du bien. Bon déjà, ils le font très bien, mais en plus, ils en parlent. Pourquoi ? Parce que c'est des connards. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent que tu saches qu'ils sont intransigeants, ils sont sélectifs. Et félicitations, tu restes dans ses amis quand tu peux voir le statut. Tu es valorisé, alors tu vas liker. Je vois même des fois juste trois petits points. Je vous jure que c'est vrai. Trois petits points, c'est tout. Un statut où il y a trois petits points. Et moi, je vais vous dire ce que c'est, les trois petits points. Je vais vous révéler le secret. Le premier petit point veut dire oh, « je suis sans mots, ça se passe de commentaires ». Le deuxième petit point veut dire « tu m'as blessé ». Oui, toi, tu es un monstre. Le troisième veut dire « tous vous faire foutre, quoi. Je m'ennuie, je suis en pyjama, ce soir, il y a ma série, j'arrive pas à la télécharger, et elle est pas en streaming, enfin, elle est en streaming, mais il n'y a pas les sous-titres, bref, je mets un statut mystère pour attirer ton attention, votre attention, sur moi. Moi, pense à moi, imagine-toi les pires choses qui peuvent m'arriver. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces trois petits points de torture mentale ? Je te le dirai jamais. Je te dirai jamais ce que j'ai. Peut-être que c'est mon mec, ma meuf. J'ai peut-être même été violé. Tu ne sauras jamais. Mais pense à moi, par contre, hein, j'existe. Ah, tic, tic, tic, j'ai des likes, des commentaires, génial. Ah, je commence à avoir un peu plus chaud dans mon pyjama, je vais finalement passer une bonne soirée. Et si tout le monde s'en fout, si personne ne commente, eh ben tu vas ouvrir une conversation privée, MP, message privé, à ta meilleure pote. Et là, tu la forces à faire pause sur sa série de merde, pile au milieu du générique, hein, le début de Game of Thrones, par exemple. Et là, elle voit que tu lui parles. Voilà, ça c'est le petit son qui veut dire que voilà, y a une notification Facebook. Et là, tu dis ce que tu as sur le cœur, juste à elle. Comme ça, elle est détentrice du savoir. Elle commentera sur les trois petits points. Courage, ma chérie. C'est tout. Boum. Vous connaissez ce son ? Boum. Voilà. Et bah toi, le gentil, tu vois trois petits points. Tu vois quelqu'un qui dit en dessous, courage, ma chérie. Mystère et boule de gomme, tu ne sauras jamais. À moins de te demander et passer pour un curieux crétin. Pétasse. Quatrième partie. Je suis désolé si c'est un peu long. Hein. C'est formidable, non, continue, continue. Quatrième partie, les anniversaires. Quand c'est le tien, c'est génial. Non, c'est vrai, quand c'est le tien, c'est super, tout le monde t'écrit, ça fait chaud au cœur. On pense à toi, et t'as même pas besoin d'agir comme un connard aujourd'hui. Soit tu likes tout, soit tu réponds à tout le monde, soit tu fais rien. Mais ça, c'est pas grave, tu restes quand même dans la catégorie des gentils. Et puis, il y a deux catégories de connards le jour de leur anniversaire. Malheureusement, la première catégorie, beaucoup le font. Et je m'excuse de vous traiter de connards, mais vous êtes des connards. Ceux qui disent... Un gros connard... Voilà, gros connard. Merci à tous pour vos messages, mails, SMS, coups de fil, bises, WhatsApp, Snap. Le lendemain, vous savez, ils écrivent juste un message, un statut comme ça. Merci à tous pour tous vos messages. Alors soit parce qu'ils ont la flemme de répondre à tout le monde, soit en plus de liker tous les statuts, ils écrivent ce message en public, histoire de faire durer un jour de plus l'attention naturelle offerte par un anniversaire sur Facebook. Et bien sûr, clamer ô combien les gens pensent à toi, t'aiment, t'envoient des messages et à quel point tu es important ou importante. Un petit clin d'œil aussi au passage à ceux qui ont oublié. Pas trop tard. Peut-être qu'ils vont te commenter un petit joyeux anniversaire en retard. Ah là, la jauge d'autokiff augmente. Boum. Boum. La deuxième catégorie, c'est la même que la première, mais en pire. Ils postent le même message, mais le jour de leur anniversaire, le soir, hein, à 19h, 20h. Pour rappeler à ceux qui ont oublié qu'il est encore temps de le faire, quoi, hein, obtenir la grâce suprême du remerciement général sur Facebook. Connard. Et quand c'est l'anniversaire d'un ami, les gens diront « Joyeux anniversaire » avec plein de points d'exclamation quand ils sont gentils. Ils vont écrire ça sur leur mur, sur le mur de leurs amis, pardon, ou sur leur mur, bêtement, parce qu'ils sont gentils, tu vois, ils sont un peu bêtes, et ils écrivent parfois sur leur propre mur, juste « Joyeux anniversaire », et on comprend pas trop pourquoi. Eux, les connards, non, ils sont beaucoup plus malins. Qu'est-ce qu'ils font, à ton avis? Je te le donne en mille. Ils postent une photo sur le mur de cette personne, parfois, ou leur propre mur, souvent, avec eux sur la photo, avec cette personne. Et souvent, eux, ils sont très, très beaux gosses. C'est une bonne occasion pour se remettre un petit peu au centre de l'attention, quand elle devait être portée normalement sur la personne qui souffle ses bougies. Non. Il faut exister encore un peu, c'est le jour de la personne. Il faut se taguer avec, quoi, c'est le moment. Allez, venez. Venez tous, il y a du monde. J'accapare un petit moment d'existence. Et en plus, tu postes la photo en écrivant « la plus belle », prétendant que t'as retrouvé une photo où l'autre est belle, alors que le choix de la photo s'est fait sur ta propre gueule à toi. Of course. Ou bien tu écris quelque chose comme « Oh, le temps passe trop vite » ou « Oh là là, les gueules !» Mon Dieu, on était bien belles, dis donc, burk, smiley. Qu'en fait, tout le monde a bien compris que c'est une photo d'il y a 3 ans, t'étais bronzée, t'étais belle, ou beau. Et là, t'attends les commentaires. « Oh, vous êtes trop beau, vous êtes trop belles, les filles, trop belles, mes chéries, merci, cœur, cœur, tu me manques. Non, toi, tu me manques. Oh, on se commente l'une l'autre en public sous la photo au lieu de s'écrire en privé. Oh, zut, ça fait remonter la photo dans le fil d'actualité. Zut, tout le monde va voir nos gueules. Ah !» Pétasse. Cinquième partie, les photos mal justifiées. Exemple, tous les jours. « Bonne nuit, les gens !» Voilà. Ou alors une photo. « Délire, ce filtre !» Ou « Oh, trop nul ce filtre !»« Oh, bizarre !» Vous savez, c'est le filtre qui te fait un visage d'ange avec un maquillage de star. Et souvent, ces photos sont prises face à la fenêtre, tu vois, pour avoir une super lumière avec des ombres sur les deux côtés du visage, un beau maquillage et les yeux très brillants. Et souvent, bah, bon, ça c'est souvent les femmes, elles se maquillent, tu vois, et elles écrivent juste « Bonne journée !» C'est tout, le matin. Ou alors « Bonne journée, point !» Type « Femme fatale !» Pas besoin d'en dire plus, hein. Tu craques devant mon super visage de poufias mal dans sa peau et je dis juste bonne journée, boum, pas d'autres déclarations, merci, t'as vu ma gueule, point barre. La meuf s'en caresse les testicules de te souhaiter la bonne journée, tu vois, elle a passé 45 minutes sur son maquillage avant de prendre le RER, elle a pas envie d'avoir fait ça pour rien, donc s'il te plaît, tu mets un petit like, hein, tu l'aimes, parce que là, elle va aller bosser. Donc un petit peu de bonheur matinal, ce sera gentil. Dans 5 minutes, elle aura une grosse doudoune et fera la gueule en écoutant ses MP3 serrés dans le RER. Ou alors j'ai dessiné ça, oh mais c'est moche, mais alors pourquoi tu le postes? Ou alors les photos, craquage, alors ça j'adore. Le mec il a acheté un iPhone, ou la nana, une console de jeu, un cadeau à sa meuf, son mec, une voiture, craquage. Le mec il est pauvre, mais il prétend acheter des choses chères sur des coups de tête, comme un Qatari. Ouah j'ai craqué, j'ai acheté des Louboutins, ouh, ouah j'ai craqué, j'ai acheté une console, genre pas prévu quoi. Si t'as besoin de dire que t'as les moyens, dis-le ou ferme ta gueule. Car tout le monde sait pourquoi tu postes ça. Sixième partie, partager du contenu. Le like des connards n'est pas un like honnête. C'est un like qui va être vu par ses propres contacts, il le sait. Donc un like doit être précis, bien choisi pour révéler subtilement ses envies sexuelles, par exemple pour un article sur le cul, ses goûts artistiques, ses idées politiques, souvent très limitées. Partager des choses pour paraître cool, toujours à l'affût, dénicher une perle rare, d'actualité croustillante. Mais bon, toutes ces actualités croustillantes, tout le monde les a vues, hein. Passer beaucoup même sans lire l'article. On voit les titres, mais on en parle quand même. Au final, c'est toujours les mêmes sujets de discussion, les gens sont pas très créatifs. Heureusement qu'il y a Combini et BuzzFeed, pour que les gens parlent en soirée, au boulot. Tout le monde voit ces articles, des articles de pute. On en parle quand même l'air étonné. Kanye West se présente aux élections, dernière bande-annonce de la nouvelle série Netflix, HBO, en partenariat avec le showrunner de Walking Dead, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf et Daft Punk. Il paraît qu'ils ont inventé une puce pour deviner l'âge de ta mort. T'as vu la vidéo de ouf là, les mecs qui se fichent, c'est fou, en mode bullet time. Mais allez-y, partagez des vidéos de Combini, des vidéos de Yann Barthès, des vidéos de Trump qui dit qu'il aime baiser des prostituées. C'est l'occasion d'affirmer vos idées politiques fortes. Trump est un salaud. Ceux qui votent pour lui sont bêtes. Vous, vous êtes malins, démocratiques, féministes. Alors il fallait voter Hillary. C'est sûr, c'est la bien-pensante de base. Touche pas à mon poste, Mouloud Achour. Merci. Excusez-moi, je suis un petit peu embrouillé J'attendais un son dans Facebook qui fait... Encore. Voilà. Là, t'as des statues, j'ai peur. J'ai mal à ma planète, quelle horreur. Ah, c'était pour Trump, ça. Arrête un peu. Dans deux semaines, tu parleras que de la sortie du jeu Harry Potter sur iPhone et tu n'iras même pas voter à tes propres élections présidentielles, imbécile. Et enfin, la huitième partie, et dernière, les gentils. On en a parlé des connards, mais j'aimerais parler des gentils. Les gentils, ce sont ceux qui likent tout. Ce sont tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes mamans, tes papas. Ce sont des gens normaux, qui ont souvent allé 50, 100, 150 amis maximum. Pour eux, Facebook, entre guillemets, leur permet de rester en contact avec les personnes qui comptent dans leur vie. Fermez les guillemets, définition de Facebook, ça c'est vrai. Les gentils, bah, eux ils likent quand ils rigolent pour de vrai. Ils likent pour encourager, pour faire plaisir, sans se demander si leurs amis verront leur like en live. Eux ils commentent, ils participent, c'est eux le cœur de Facebook. Ce sont ces gens-là, les vrais gentils. Plein de bons sentiments à l'égard d'autrui, ça c'est la définition du gentil. Eux, ils ne sont pas du tout dans la recherche de se donner une image sur les réseaux sociaux. Ils sont incroyablement gentils et manipulables. C'est eux qui vont commenter dès qu'un statut appelle à une réponse. Ce sont les premiers qui vont s'inquiéter quand les connards de Facebook vont poster un statut flou. Trois petits points, triste, rip. Les gentils, c'est des bœufs qui se laissent mener à l'abattoir. C'est les gentils qui partagent les articles du Gorafi en pensant que c'est vrai, puis se font moquer en commentaire et s'en sortent toujours avec un fameux merci, je suis pas con, hein. Ou plus subtil, c'était sûr, enfin, beaucoup trop gros, c'était pas possible. Mais s'il n'y avait pas de gentils, il y aurait zéro contenu sur Internet. Pardon, non, s'il n'y avait que des gentils, il y aurait zéro contenu sur Internet. Rien, le néant. Les gentils sont les relayeurs de tout ce que les connards balancent. Avant, on était tous gentils, on était des gentils, des internautes gentils. Et au final, on a commencé à comprendre les ficelles, comprendre qu'on pourrait se servir des autres pour exister un peu. Utiliser des codes et des astuces de tous les jours pour occuper l'espace mental des gentils, toujours, en permanence, et se sentir heureux car les autres pensent à nous, se sentir stylé et adoré car les autres pensent qu'on l'est. Et je vais te révéler un secret, tu sais que les connards connaissent l'existence des gentils, et tu sais comment ils les appellent ? Les gens. Bonne nuit les gens. Dites les gens, j'ai besoin de vous. Bah, les gens, ils vont répondre. Et ils vont liker. Pour conclure, j'aimerais finir sur une note positive. Facebook, c'est super. Pour annoncer un bonheur, pour le partager avec tes amis, écrire des blagues, tu peux partager des vidéos drôles, des vidéos qui t'informent, des documentaires, des créations, des photos, des films, des musiques, des idées politiques même, des envies, des bandes d'annonces, tes bandes d'annonces préférées du moment, tes photos de vacances, tes plats, même si tu prends tes assiettes au resto, c'est pas grave. Même ton chat, ton chien, tu peux partager ces photos, que les ados partagent, où il y a des grosses citations dessus, exemple, les paroles peuvent détruire en une minute ce que le cœur a dû construire des années. Ou alors, ne perds pas ton temps avec une personne qui n'a pas de temps pour toi. Ceux qui me jalousent me font briller. Arrête de courir après la bonne personne, la mauvaise ne s'enfuira pas. La confiance prend fin quand la trahison commence. Gandhi. Non, je plaisante. Voilà, partagez votre vie si vous avez besoin d'être un peu suivi, aimé, écouté, qu'on pense à vous. Mais faites-le de manière authentique, sincère, sans utiliser les codes du manuel du parfait connard dépressif pour exister sur Facebook en manipulant les autres. Restez en contact avec les personnes qui comptent dans votre vie. C'est la définition de Facebook et ça devrait le rester. Pour finir, en relisant mon texte ce matin, j'écoutais des musiques et je suis tombé par hasard sur un mec qui parodie « J'irai dormir chez vous » avec un très intellectuel « J'irai chier chez vous ». Puis sur une vidéo qui s'intitule « Ferme ta gueule sur Facebook ». Elle est dédiée à tous les gentils et on finit en chanson « Merci à tous ». Ferme ta gueule sur Facebook, mais personne ne fait. Pas mal. Franchement, pas mal. Et bah, j'ai badé 2 minutes et après. après, passons. Alors, Nico, Charlie. Un peu. Déjà très bel exercice de style, hein, avant tout, un bel fluidité. Il s'appelle Yes, les mecs, je crois. Yes majuscule sur Facebook. Yes majuscule. Yes majuscule. Alors Charlie, Nicolas, connard, gentil, un peu des deux, des deux. C'est ça. En fait, ce que j'ai compris plutôt, c'est des fois, finalement, on est connard un peu malgré nous, quoi. Et, ouais. Et gentil, bah bon, ouais, gentil, voilà. Mais, on est rarement gentil, je pense. Nous, je pense après, pas qu'on soit gentil. Tu crois ? Après, non. Après, c'est vrai que moi, j'ai une autre vision un peu de Facebook. Maintenant, au début, ouais. Au début, je pense que c'était comme ça, où tu avais les connards, les gentils, les machins. Et maintenant, c'est devenu tellement commercial. T'as du pop-up de partout, t'as de la pub, des machins. Et tu vois moins de choses comme ça. Et les connards, tu les vois directement, ceux qui postent des trucs, justement, qui partagent des posts putaclic, des trucs comme ça. Et En vrai, tu vois, franchement, j'aimerais quitter Facebook, mais j'adore stalker. Tu vois, et... Alors, qu'est-ce que ça veut dire stalker pour ceux qui savent pas? Espionner. C'est pas vraiment l'espionnage. Enfin, c'est pas vraiment l'espionnage. C'est regarder les photos de tes anciennes copines en bikini. Voilà, ça stalker. Non, mais c'est juste celle de la curiosité, je sais pas. C'est masturbatoire. Non, masturbatoire. C'est bon. Non. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je pense que. Je pense que nous on soit, j'ai pas du tout pensé à vous par exemple en pensant au connard. En fait nous on est ni l'un ni l'autre. J'exagère en disant qu'il y a que deux catégories. Un peu des deux quand même. Ouais. Je pense qu'au final, enfin. Non mais qu'est-ce que vous publiez sur Facebook? Après moi franchement je publierai plus rien depuis. J'existe pas sur Facebook. Bah oui. Non mais c'est vrai. Face quoi? Non mais en fait connard c'est vraiment connard. Hein. C'est... Moi, je pense pas qu'on ait jamais... enfin, nous, qu'on ait fait des trucs connards. Connard, c'est vraiment ce que je raconte. C'est mettre des statuts. Il y a eu quand même des petits trucs. Si, on a forcément posté des petits trucs. Des photos, on est bien dessus. Oui, mais tu le justifies pas en manipulant les autres. C'est ça que j'appelle un connard. Mais oui, mais c'est pas la question de mettre une photo où t'es bien dessus. T'as le droit de mettre une photo où t'es bien dessus. Oui. C'est plus essayer par tous les moyens de ramener à toi toujours le truc. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ramènent. Le 3 petits points, il est magique. Temps, est-ce que c'est pas intrinsèque à Facebook, justement, de ramener à soi, tu vois? Si t'es assez intelligent, tu peux ne pas tout le temps ramener à toi. Si tu veux souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, tu lui souhaites par message, ou alors tu lui souhaites sur son mur, parce que bon, ça le fait, mais point. Tu mets pas une photo de toi avec, quoi. Ça m'énerve. Ah oui. Ouais, pourquoi? Parce que j'étais moche sur sa photo, connasse. Mais ça, c'est depuis... je pense que c'est depuis un an. Avant, on faisait pas ça. Depuis un an, les gens, ils se taguent eux-mêmes avec la personne. Ils existent. En fait, c'est comme Twitter. Pour moi, j'aime pas Twitter parce que c'est pour les gens. Ils ont l'impression de faire partie de l'histoire. Ils ont besoin de se sentir. On est tellement minuscule que ça fait. On se sent. On fait partie de l'histoire. C'est génial. Twitter, tu peux te taguer avec Kanye West, tu vois. @moi @KanyeWest. Qu'est-ce qu'on fait demain? Voilà. Alors justement pour les anniversaires, moi j'ai une petite anecdote quand même parce que je pense que ça c'était connard. J'ai fait un truc il y a 2-3 ans, c'était l'année dernière, et j'ai enlevé mon âge de Facebook pour voir si j'avais des vrais amis qui se souvenaient de mon anniversaire. Sauf qu'en fait c'est connard. Et sauf qu'en fait, bah, personne ne me souvient de mon anniversaire parce que plus personne ne se souvient de l'anniversaire. De toute façon, on a plus les. Moi, j'avais dans mon Nokia. J'ai eu très peu de messages. Mais t'as quelques personnes qui sont. Genre moi, tu vois, qui pensent à ton anniversaire, par exemple. Non, mais cette année peut-être, oui. Mais parce qu'on travaille ensemble tous les jours. Ça, c'est pas connard. Hein. Alors là, c'est pas ça. Il y a un truc d'essayer de vérifier les vrais amis. C'est un peu de piéger aussi le truc. Oui, mais c'est pas connard. T'essayes pas. Après, oui, c'est pas. Que les gens pensent à toi. T'essayes pas de trouver une astuce pour que les gens. Pense après, à toi. Ah, mais attends, j'ai pas fini mon histoire. Tu postes pas après, avez tous oublié mon anniversaire. Du coup, j'arrive plus en fait à remettre en sorte. Enfin, j'ai remis le truc un peu à la normale, mais en fait, ça ne pop up pas chez les gens. En fait, le Facebook n'annonce pas que c'est mon anniversaire. Et, une fois, je dirais pas quand c'est cette année, j'ai demandé à Tania de m'écrire alors qu'elle était à 2 mètres de moi. Bon anniversaire sur Facebook, comme ça les gens s'en rappellent un peu. Ah mon dieu. Et des messages. Ah ça y est, tu rentres dans la catégorie. Mais c'est que je suis allé avec mon petit hameçon aller chercher de l'amour comme ça, s'il vous plaît. C'est connard touchant. J'ai eu 3 likes avec ma tante, ma soeur et ma mère. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les connards, les grands manipulateurs, mais il y a aussi, rentre dans la catégorie des connards énoncés ici, les gens qui ont un mal-être profond. Oui. Bah moi, c'est pas forcément du connard, du mal. Tu crois qu'ils cherchent de l'aide, en fait, à travers leur poste de connard. De l'aide, disons que c'est un problème psychologique avant tout. C'est l'attention qu'ils veulent, oui. Tu peux me lancer le petit merci? On l'a pas utilisé? Oui, merci. Et encore? Merci. Donc, je l'ai pas téléchargé pour rien. Merci. Tu me dis s'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas mis? Ok. Voilà. Ok, on l'a pas mis. Je crois que c'est tout. On se calera mieux pour la prochaine fois sur les sons. J'ai un peu chié. C'était pas mal. En plus, j'ai un peu toussé. Game of Thrones, quoi. Un mauvais moment. J'ai misinterprété ces signes. Non, mais pour. Le choix de la musique, vraiment badant. Je te félicite. La prochaine fois, du Benny Hill, ça pourrait changer un peu le ton du truc, quoi. En fait, en toute honnêteté, c'est la musique que j'ai écoutée en écrivant le truc. Du coup, je me suis dit, on reste dans le thème. Et tu vois, quand tu disais. J'avais une image dans ma tête où genre je scrollais mon ton fil d'actualité. Mon fil d'actualité. C'est marrant, c'est. Mais c'est ça. Hein. J'ai rien inventé, je vous jure. J'ai regardé. Ah mais non, mais c'est vrai. Je dirais pas qui, mais il y a, qui, mais y a certains ressort, profils. Et je peux dire que c'était une mine d'or. Mais c'est surtout qu'en fait tous ces gens-là ils publient énormément. Donc en fait on finit par voir que Et les gens qui posent des petits messages comme ça, plus intimes, et on n'en voit plus. Je fais une petite parenthèse. Dans quelle catégorie tu mets les gens bon, déjà, tu mets des gens dans des catégories, mais les gens qui pensent qu'ils ont un peu la science infuse, tu vois, qui font un peu des gourous sur Facebook à publier, à faire des statuts un peu. Ah bah, c'est des connards. C'est des connards. Après, enfin, tout le monde pense qu'il a un level de connard un peu. Tu vois, tu veux qu'on en parle, Charlie? Je l'insulte. Tu me donnes un nom maintenant, je l'insulte. Comment il s'appelle? Sacha. Sacha, c'est un connard. Ouais. Alors, c'est quoi votre dernier post Facebook? Est-ce que vous vous souvenez? Alors, juste pour préciser, il y a ce qui est bien avec les connards, c'est que tous les mecs dans la pub, ils ont compris. C'est des anciens connards. Tous les mecs dans le marketing, c'est des mecs qui connaissent le manuel du connard par cœur. Sauf qu'eux, ils l'appliquent à ce qu'ils veulent vendre, tu vois. Et donc là, c'est différent. Pour moi, ce n'est pas de la dépression, c'est du business. Et quand tu fais ça avec ton métier, OK, ça passe. Mais quand tu fais ça juste avec ta propre connard, personne... T'es connard professionnel, passe. Mais ça, c'est la pub, c'est des connards professionnels. Et... Non, monsieur, c'est des connards. Ils le savent, ils sont trop contents, tu vois, d'avoir l'impression d'être un peu le genre du jardin. C'est génial d'avoir fait du fait d'être un connard un métier, quoi. Ah ouais, mais ça. Mec, ils vivent de leur passion. C'est 99 francs. Non, mais donc, ouais, pour moi, c'est des dépressifs. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs et ils utilisent Facebook comme psychanalyse. Et tous ces gens-là, pour moi, les connards, c'est ce que je vais appeler les connards dépressifs. J'ai résumé à connards, mais c'est des connards dépressifs. En vrai, ils me font vraiment de la peine, ces gens-là. Ouais. Charlie, est en train de regarder ton dernier post Facebook. J'ai l'impression d'être un fantôme de Facebook. le dernier post que j'ai posté... Donc 2002 c'est Facebook, ça a l'air sympa ce truc-là. Le 4 août. Je l'ai posté souvent. Le 4 août, ouais. Pas 2016, 2015. J'ai posté ça, j'ai posté un statut qui dit « Ça fait toujours plaisir en milieu de semaine » avec un partage de vidéo d'ACDC à Way to Hell. Toi, t'es un gentil. Et j'ai changé ma photo de profil le 21 août et c'est la dernière chose que j'ai postée. Après, j'ai plus de nouvelles de Charlie. C'est ça. Ouais. Après, j'ai partagé des vidéos. Enfin, voilà. Ah, tu viens de recevoir un live sur ton statut de 2015. Non, c'est des vidéos et des. Une société de production. D'accord. Voilà. Non, mais en fait, voilà, toi, tu ne fais pas partie des connards ni des gentils, parce que là, tu n'es pas gentil, on s'en fout de la CDC. Non, mais tu es le mec qui s'en fout de Facebook. Ouais, t'es pas Facebook, même, c'est ça. Il veut quand même discrètement mettre ses petits goûts musicaux un peu élitistes, tu vois. Ouais. Moi, j'écoute que du rock classique. Jaloux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Mais écoutez, à vous, quoi, je ne sais plus à qui c'est. C'est à moi, j'enchaîne. Franchement, passer derrière lui, c'est chaud. Heureusement que je passe en dernier. Non, parce que c'est différent. Moi, j'ai fait un truc de dépressif. Plus personne n'écoutera ce podcast quand tu passeras. Donc Est-ce que tu veux que je prenne l'iPad et que je te fasse les sons? Non, c'est bon. J'ai pas beaucoup. J'ai un peu moins de sons à faire que toi, donc ça devrait pouvoir se faire. Alors, je m'excuse d'avance parce que je vais probablement tousser, renifler un petit peu parce que je suis un petit peu malade, ce qui me donne cette magnifique voix de crooner. Sinon, j'ai la voix de Pikachu. Hein. Alors j'ai toussé une bonne petite fois avant de commencer. Attends, je vais en profiter pour me moucher en même temps. Fais. Je pose le micro. Voilà. Attends, j'étais pas prêt. c'est un jingle bien entendu. Personne n'a ouvert de bouteille d'alcool ici. Non, non, c'est une Evian avec un nouveau bouchon. Formidable. En Liège. Quand tu. Eh ben c'est à moi. Et j'ai découvert et testé pour vous. Le minimalisme. Mais le minimalisme kézako, pour employer une expression bien ringarde. Le minimalisme se définit comme ce qui atteint son plus bas degré, sa plus petite valeur qui constitue un minimum. Dans l'organisation, c'est l'art de ranger, de s'organiser. L'art de vivre dans le minimum, dans la sobriété. Mais revenons quelques semaines en arrière. Ma tendre moitié et moi avons décidé de déménager. Pendant nos recherches, nous finîmes par tomber sur un très joli appartement. Mais problème, cette petite merveille ne comprenait que très peu de placards. Arrête de me faire des signes, c'est pas moi qui contrôle le son. Tu regardes l'ingé son et tu lui dis slow down. Mais non, c'est mon style. Très bien. C'est mon style. Okay. Non, mais il est en train de te masser les testicules en fait de loin. Pour moi, il faisait un peu le son de Rose dans Friends, tu vois. C'est ça. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con. Connard. Il fallait utiliser ce truc. J'en étais où avant que Claude fasse ses signes là? Tu parlais de ton déménagement. Donc, cette petite merveille ne comprenait que très peu de placards et pas de cave, sacre bleu. Mais où allons-nous mettre nos affaires, notre magnifique bordel, toutes ces choses qu'on accumule en n'osant jamais les jeter. D'ailleurs, ça a un nom. La syllogomanie, ou l'impossibilité de jeter des choses qui ne servent à rien. On l'a tous, plus ou moins. Qui n'a pas ce fameux pot dans l'entrée avec des stylos qui ne marchent plus, hashtag Gad Elmaleh, ou ces tiroirs pleins de papier qu'il faudrait traiter, ou ces clés sans serrure. Mais ne vous alarmez pas, il y a une solution. Ça fait déjà pas mal de temps que l'idée errait dans ma tête de ranger, de m'organiser, de faire un hard reboot de mon appartement, en ne gardant que le nécessaire. J'ai donc traîné un peu sur les internets, et j'ai appris qu'il y avait tout un mode de vie autour de ça. Le minimalisme. Ranger, trier, organiser, pour ne garder que l'essentiel. Mais par où commencer ? La maison est un vrai bordel. Les papiers, par exemple. Puis-je les jeter ? Sont-ils importants ? Les vêtements ? Je vais peut-être les remettre un jour. Les vieux téléphones ? Si le mien ne marche plus, j'aurai besoin d'un téléphone de rechange. Un, peut-être, oui. Mais trois, pas forcément. Les cadeaux aussi. Tous ces trucs moches qu'on range dans les placards pour ne pas... Excusez-moi, l'outil tape sur la table. Ça te dérange pas, mais, quoi ? Mets un rire. C'était une blague. C'était complètement maîtrisé. On reprend. Les placards. Les placards pour ne pas en dire les salons. Bon, c'est pas super poli de jeter les cadeaux, mais au diable la politesse, je suis chez moi, on me l'a offert, j'en fais ce que je veux. Donc l'idéal, c'est de ranger par zone ou par thème. Vous pouvez commencer petit, avec un tiroir, puis une étagère, puis un placard tout entier. On conseille souvent de commencer par des surfaces planes, le désordre visible, le bureau. Le dessus du bureau, le dessus des meubles, les étagères, les plans de travail de la cuisine. Bref, les endroits où le changement se voit tout de suite. Pour nous encourager à continuer. Ensuite, attaquez-vous au désordre invisible. Les placards et autres tiroirs. Pour ma part, je suis allé franco. J'ai commencé par les gros placards du salon, le placard bien profond, où on met un peu n'importe quoi, pardon. Médicaments, papier administratif, sac à dos, boîte, un peu de tout. On met tout sur une grande table du salon, ou par terre, comme vous voulez. L'idée, c'est d'avoir une vue globale de tout ce désordre. Et ensuite, les trois caisses. Je garde, je donne, je jette. Bien sûr, on pense écolo. On jette pas n'importe comment. Par exemple, sur le site écosystème.fr... ça fait tellement pub, ça fait du... voilà, ils ont reçu un like grâce à toi. Merci. Et moi, j'ai reçu un chèque de 500 euros. Donc, vous pouvez avoir le lieu autour de vous pour récupérer les objets de recyclage, type appareils ménagers, jouets, etc. Les piles aussi, les médicaments à redonner à la pharmacie. Bref, autant que faire se peut, donner une nouvelle vie aux objets que vous jetez. Mais comment décider quoi jeter ? Sur le site Maman s'organise, par exemple... Placement de produits. Ouais, parce que comme je suis une maman, je m'organise bien, donc je suis abonné à ce site. Il propose plusieurs méthodes, notamment une série de questions. On prend un objet dans la main, c'est important, et on se pose les questions une par une. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si toutes les réponses à ces questions, c'est un oui, on garde l'objet. Et s'il y a un non... On bazarde. C'est le plus dur. T'as dit quoi ? C'est non ? C'est un non pour moi. Le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même et de répondre en toute franchise aux questions. Et ces questions, les voici. Alors, bien sûr, c'est. On peut répondre ou pas ? Non. D'accord. Enfin, tu peux pas répondre non. Je peux ne pas répondre. Voilà. Alors, ces questions, il y en a plusieurs hein, dans plein de cas ouais, différents. Dans chaque livre, vous pouvez en trouver d'autres, mais bon. Mmh. C'est vraiment une base. Hein. Donc, cet objet est-il en bon état ? Fonctionne-t-il toujours ? C'est la mer noire. Avez-vous utilisé cet objet durant les derniers mois ? C'est la mer noire. Les 12 derniers mois, bien sûr. Hein. Cet objet est-il l'unique exemplaire que vous possédez ? C'est la mer noire. Cet objet respecte-t-il l'environnement et votre santé ? C'est la mer noire. Mer noire. J'aime la tournure raciste que prend ce podcast. Pourquoi raciste ? Non, parce que c'est l'accent. Parce que le monsieur est clairement suédois. Cet objet a-t-il une place pour être rangé sans vous encombrer ? C'est la mer noire. Cet objet est-il facile à entretenir ? C'est la mer noire. Cet objet vous plaît-il vraiment ? C'est la mer noire. ça fait partie de la question. Et sentez-vous libre et heureux de garder ces objets ? C'est la mer noire. Alors là, on rigole un petit peu, mais c'est quand même important. Il va nous avoir à force, à l'usure. Non, c'est bon, c'était les dernières questions. Donc là, il y a 8 petites questions, mais si on y revient bien, ça peut nous aider à se sortir un peu de ce truc-là. Donc ces questions, c'est une base, bien sûr. Elles sont pas forcément applicables à tous, mais c'est une première approche, donc plongez-vous dans ce gloubi-boulga d'affaires, mettez un peu de musique ou une série chiante à la télé, genre Peaky Blinders, et allez-y. Exprès, parce que j'aime bien Peaky Blinders. Bon, allez. Mais j'aime bien aussi Peaky Blinders. Bon. Très bonne série. Moi qui n'aime pas Peaky D'ailleurs, Blinders. On devrait arrêter d'écouter sa chronique, on parle de Peaky Blinders. Exactement. On parlera le jour où on t'aura sonné, petit con. Ok. Et c'est plutôt sympa en fait. On ressort les vieilles choses qui nous rappellent le passé. Des photos avec nos têtes des années 90, des bulletins scolaires un peu honteux. Mon premier Discman avec la compile New Metal 2 dedans, usé jusqu'à la moelle. Et ouais, j'écoutais de la zik de bonhomme. Pardon ? Je chante la parole. Je ne connais pas ce son. C'est libre antenne. C'est pas un karaoké. Enfin, deux minutes plus tard, je retrouve l'album de Kyo. On a parcouru le chemin, on l'a se faire en distance. Alors, au début, ça prend un peu de temps. Hein. La nostalgie nous envahit, puis. Pardon. Continue, vas-y, je t'en prie. Merci. Nous envahit, puis une petite larmichette à l'œil. On balance les bracelets, salut Charlie. Les bracelets à pic et la notice de grippin, cassée depuis 2 ans. Pour les papiers administratifs, c'est un peu plus compliqué. Ils ont tous une durée de validité différente. Pour les connaître, vous pouvez aller sur le site servicepublic.fr. Attends, ils ont eu un like avant que tu dises le nom. Putain, ça va trop vite. C'est des détails. Like très vite. Les gars, et dernièrement, ils surveillent ce que j'écris. C'est Charlie qui allait liker. Génial. Vous trouvez combien de temps vous devez garder cette paperasse avant de les jeter, en fait. Voilà, chaque chose est différente. Sur service-public.fr. Ah, après, il y a d'autres sites, mais bon, voilà, c'est le plus pratique en tout cas. Après le rangement, ça y est, vous avez désencombré. Vous avez pourri les poubelles de votre immeuble avec tout ce que vous avez jeté. Mais c'est pas fini. Vous devez maintenant vous occuper de tout le reste de votre appart. Mais le minimalisme, c'est aussi tout un art de vivre. Le désordre est sournois. Il revient discrètement, sans qu'on s'en rende compte. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas rangé, trouvez-lui une place. Le minimalisme, c'est aussi l'art de l'organisation. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. On finit par ne plus jamais ranger, on s'organise. Car le désordre amène le désordre. Faites l'expérience. Laissez chez vous sur une table, par exemple, un papier ou un vêtement, sur une chaise, et laissez agir quelques jours. La chaise va se remplir d'un tas de vêtements, ouais. La paperasse va s'accumuler autour. Ça fait des petits. Exactement. Ça m'a perdu ma phrase. Fouillez sur autre papier, pub et autres. Voilà. Alors, il faut créer des habitudes. Un nouvel objet rentre, l'ancienne version sort. Il va falloir être fort. Refusez que l'encombrement rentre chez vous. J'ai donc testé moi-même le minimalisme et on devient vite accro. Déjà, après le premier rangement, on se sent bien, comme libéré, d'un poids inutile et on a vite envie de continuer. Même si parfois le temps manque, parce que c'est quand même un peu long. Bien sûr, au fur et à mesure, on jette plus de choses. Au départ, on n'ose pas trop et puis à la fin, on est moins difficile. C'est plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de savoir, j'ai perdu ma feuille, ce qu'on peut faire de ce qu'on peut le donner. Alors, il y a Le Bon Coin, Cash Converters, ou même d'autres amis qui pourraient les utiliser. On donne les vêtements aux associations, les livres aux bibliothèques, les BD ou les mangas, pour ma part, aux écoles. Enfin, pas tous, seulement les plus pourris. Je ne file pas mon film métal à la chimiste, les foulés. Au final... Gros sponsor ce soir. Au final... On sait comment il a acheté tout ce matériel. Et non, c'était mon anniversaire, je l'ai précisé sur Facebook. Tu l'as mis sur Facebook aussi. Oui, pour que finance... On se rappelle de l'acheter un cadeau. Si vous n'aurez jamais pensé. De Tipeee facebookien. Donc au final, on se retrouve avec un appartement vide de tout superflu. Ça ressemble à une pub de catalogue IKEA. C'est beau, c'est simple, c'est épuré. On ne range plus, on organise, on fait attention à ce qu'on achète. Le minimalisme, c'est ça, l'art du nécessaire. On finit par être un poil plus matérialiste. Chaque objet devient important, mais ça ne s'arrête pas là. Le minimalisme peut aller bien plus loin, s'étendre à d'autres sphères. L'écologie, le triage des déchets, la déco, les relations humaines aussi. Arrêtez d'être parasité par des relations destructrices qui nous font du mal et privilégiez celles qui font avancer et qui nous épanouissent. Le minimalisme est la réponse à une génération qui a des centaines d'amis sur Facebook, comme le disait... c'est comment ton nom déjà ? Sacha. Qui voit des milliers de contenus sur Internet en une journée, qui consomme et consomme encore, qui accumule, qui sature. Le minimalisme est une bouffée d'air frais, un feu de camp sur la plage, ni plus ni moins. Et j'en profite pour faire un snap ce moment. Cette chronique, on peut applaudir quand même. Parce que, après, bon, on va pas applaudir à chaque fois. Mais, si on applaudira à chaque fois, on n'applaudira pas juste pour la dernière chronique, à tout hasard. Attends. Vas-y, continue. Avant de t'interroger, parce que toi, je sais que tu pratiques, tu es un pratiquant. Je t'en prie, regarde le chat. Il pratique surtout le minimalisme en termes de sexe, je crois. Bah, c'est ce que sa femme vient de me textoter là en live. Attends, envoie les rires s'il te plaît, parce que c'était pas tout à fait au point. Merci. Voilà. Et la notification aussi pour le côté réaliste. Ah, mais j'ai des likes. Ah, t'as des likes. Encore. Sacha et Nico, vous n'étiez pas au courant forcément de la chronique. Je pense que vous n'imaginiez pas le minimalisme, parce que c'est aussi un art graphique, le minimalisme. Les posters, des gens qui n'ont pas d'idées. Je m'attendais à ça. Ouais. En fait, le minimalisme, c'est vrai que ça touche beaucoup de domaines. Vas-y, raconte-nous du coup ta chronique dessus. Le minimalisme a débuté dans les journalistes par le... Non, mais c'est vrai que je te coupe, désolé. Bon, c'est pas la première fois. C'est lui qui te coupe. Non, mais en fait bon, j'ai fait une école d'art, tu vois. Comme beaucoup ici. Laquelle, allez, on fait la pub. Quelle école? En fait, le minimalisme, ça se travaille déjà en design. Quand ton objet, quand tu le travailles, il faut qu'il ait une forme simple, en fait. On dit que la forme précède la fonction, et d'ailleurs je suis en train de me spoiler ma chronique, mais c'est ça, plus ton objet est simple, il n'a pas besoin de fioritures, il n'a pas besoin d'autre chose, en fait, que sa forme pure. Et c'est ça le minimalisme de base. Tu te souviendras peut-être de la citation qui dit quel cinéaste a dit, tu sais, un film est bon quand on ne peut plus rien retirer. Ah, je ne sais pas. Voilà. Tu te souviens de ça? Un Basque Rostami? Non, je pense que c'est... il aurait dit... il aurait peut-être dit en arabe, lui. Parce qu'il ne parlait pas très bien français. Ah oui. De son vivant. J'allais me lancer dans une espèce de traduction. Alors, pour revenir un petit peu... le muscle et le gras. Voilà. Ouais, c'est un peu le minimalisme. Le gras, c'est ce qu'il y a en trop. En fait, le minimalisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un art de vivre. Ça devient un art de vivre. C'est que... il faut pas voir ça savoir que Charlie en est pour ses repas une graine par repas. Enfin, c'est vraiment, il est allé au bout du truc. Et c'est dans ton intérieur, par exemple, si tu mets le minimalisme comme Fred le dit dans son intérieur, tu vis bien, en fait, tu vis bien mieux que s'il y avait des choses en trop, tu vois. Ça allège ton appartement, ça, visuellement, mais aussi psychologiquement, en fait, et tu vis mieux. Alors ça, après, c'est mon appréhension du truc. Après, c'est un rapport avec le feng shui. J'ai bien fait de t'interroger en dernier. Le feng shui, c'est un rapport avec le feng shui? Non, ça n'a pas spécialement un rapport avec le feng shui. Ça amène, parce que comme tu enlèves des choses, au final, les meubles prennent plus d'importance parce que du coup, il y a moins de choses dessus. Et donc après, oui, ça peut amener à d'autres rapports avec le feng shui. Pour ceux qui ne connaissent pas le feng shui, c'est l'art de placer, vous me corrigez si je me trompe, mais placer ces objets d'une certaine manière pour faire circuler une sorte d'énergie. Voilà, tout à fait ça. Voilà. C'est ça, par rapport aux points cardinaux et tous les trucs. Et donc, alors, ouais, avant que tu interviennes, j'aimerais juste avoir l'avis à froid de... Je termine juste, excuse-moi. Vas-y, Charlie, tu pèses. Charlie, c'est avec F-R-E-D, c'est ça, Charles? En fait, le minimalisme, c'est pas l'art d'enlever, c'est aussi l'art de ne pas en rajouter. C'est ça le truc. Et je terminerai là-dessus. Applaudissements. J'ai pas d'applaudissements, j'ai que des rires. Je vais mettre ça sur le dernier. Redis, le minimalisme, tu mets des rires. Et là, tu lui détruis son discours. Alors, du coup, attends, je peux poser mes questions? Ouais, vas-y. Vas-y. Sacha, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, t'as l'impression que tu pratiques un petit peu le minimalisme sans t'en rendre compte? Ou t'as du genre, tu sais qu'un truc te sert pas, tu le fous, tu le bazardes? Ou alors t'as tendance à accumuler pas mal de choses? Moi, j'ai tendance à ne jamais rien jeter parce que j'ai peur un jour de me dire merde, j'en avais besoin, pourquoi je l'ai jeté? Ouais. Alors j'accumule dans des cartons, dans une cave. La fameuse stylogomanie dont je parlais là. Ouais. Je suis atteint d'une nouvelle maladie que je ne connaissais pas. Tu es un grand stylogomane. Je suis un grand stylogomane. Hein. Et donc, minimaliste, non, j'aime bien le feng shui, j'aime bien ce côté, j'aime bien ranger. Cette idée du samu, hein, mon père me parle souvent du samu, c'est-à-dire, c'est comme les corvées, mais en japonais, c'est-à-dire que ça te fait plaisir. D'accord. D'accomplir des petites choses, de ranger, tu vois. J'aime bien ça, les énergies, tout ça. Mais de là à être minimaliste, non, malheureusement, je n'y arrive pas. D'accord. En fait, après, c'est vrai que ça peut prendre une dimension énorme quand tu parles de minimalisme. Par exemple, quand tu me cantonnes un appartement, tu as des objectifs zéro déchet, ce qui s'appelle. C'est que tu n'achètes pas de trucs avec des boîtes, tu ne stockes rien avec des trucs, tu n'empiles rien. Après, bon, est-ce que c'est un impact sur la planète? Peut-être pas, tu vois, mais si, imagine une société purement minimaliste où tu n'as pas besoin de produire des, des emballages, quoi. Enfin, je sais pas. Ça... ça s'appelle une cellule d'isolement, en fait. Quatre murs, un lit. Et on vit trop bien. Bah ouais, mais non, mais, non, mais tu vois, c'est, après, c'est, après mais c'est, non, mais c'est vrai, parce que t'as raison, les gens, ils sont de ce côté-là, un peu, ouais, tu vis dans un appartement minimaliste, c'est tout blanc, machin, et puis ça, ça fait hôpital, là, tu vois. Mais... on demande si à de parler un peu plus près de son micro. Et... merde, du coup, je sais plus. Non, tu t'allais demander est-ce qu'un sans-abri est quelqu'un de minimaliste. C'est ça que t'allais dire. C'est pas terrible, hein. C'est polémique, là, ce que je tu pense dis, que Charlie. Le minimalisme, c'est plus quand c'est un choix. Premier podcast. C'est tout ce que ça impose. Exact. Non, non, mais c'est vrai. T'avais un mot à dire, Nico? Toi, non, pas est-ce que t'es minimaliste? Non, mais moi, j'ignorais, moi, je découvre hein, des choses dans ce podcast. J'ignorais que ranger son appartement, c'était une philosophie de vie. Hein, après, moi, je... mais là, faut savoir que fait, Nico, chez lui, a absolument aucun cadre au mur, n'a absolument aucune décoration. De minimaliste des DVD, c'est le roi du minimalisme. Exactement. Exactement. Parce que je suis un petit peu malade mental. Je n'ai pas besoin d'attache sur mes murs, voilà. Tout le monde me le dit depuis des années. Tu vois, je ne suis pas minimaliste. Tu vois, être maniaque, c'est pas être minimaliste, par exemple. Ah, voilà. C'est là, c'est la nuance que je cherchais. Je suis un peu maniaque sur les bords. Je peux le manger le micro, hein, sinon. Ah ouais, ouais. et minimaliste, c'est, un, bon, c'est vrai que c'est un gros kiff, tu vois. Mais comme c'est toi qui disais ça, c'est Fred qui disait ça. Je sais pas, tu as encore dit. Pas encore. Ouais, c'est... Alors je crois, je l'ai pas dit dans ces termes-là, moi. Je crois que c'est ça. Non, mais je disais, là, c'est un art de vivre, en fait. Merde, ouais, si je m'insulte. Voilà. C'est minimaliste, c'est un art de vivre. Mais c'est pas quand l'acte de ranger, c'est vrai que c'est un grand kiff. C'est pas pour tout le monde. Pas pour ça tout peut le être monde. Très chiant de ranger en vrai. Mais tu sors des vieux trucs qui puent, qui machin. Ouais, mais ça te demande du temps, ça te demande de l'espace. Ranges. Ouais, mais par exemple, tu vois, ça sert à plein de gens. Si tout le monde faisait ça, enfin, je sais pas. Tout le monde aurait des super apparts. Nous, on a vidé notre dressing. Bah concrètement, quand tu dis putain, ce pantalon, bah, ça fait 5 ans que je le mets plus. Faut savoir que Charlie est tout nul. Hein. Le minimalisme, non, ouais. Ok, mais là tu vas un peu loin. Ouais, mais vous avez dit en slip aussi, j'y prends rien moi. Bah oui, c'est... Non, non, c'est pas ça. C'est, il fait que, chaud. Voilà, le minimalisme, c'est de l'art de vivre. C'est qu'on s'est séparé de. J'ai vidé 50 kilos de fringues. On les a filés à Emmaüs. Bah putain, si. Excusez-moi, je vais dire un gros mot. Vous êtes fait combien? Non mais toi, non, moralement ça fait du bien. Si, franchement, si dans mon rien que dans mon immeuble tout le monde faisait ça, t'imagines les fringues. Et là, ça sert à plein de gens, tu vois. Mais vu que tu fais 2 mètres, à qui ils ont filé tes fringues? C'est rien. T'as vu la gueule des Kenyans? Oh, c'est chaud. Non mais bah voilà quoi. Bande de bordelites. Non mais donc vous êtes 2 minimalistes, non 3 minimalistes. Moi, je suis vraiment dans. Là, j'essaie. J'ai pas encore tout fini. J'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est comme quand on nettoie, quand on, vous savez les bureaux d'ordinateur, là, les écrans avec les icônes qui sont encombrés. Mmh. C'est exactement la même chose de minimalisme. Ah ouais. Alors on fait un peu de tri, on met dans les bonnes cases, etc. Et on enlève tout ce qui sert à rien. Et donc du coup, après, on trouve une espèce de légèreté de se dire merde, ça fait un peu de bien quand même. On redécouvre son fond d'écran. Et puis le but aussi du minimalisme, c'est donc de ne plus jamais ranger. Parce que quand t'as un document qui arrive, quand t'as une lettre de je sais pas quoi, ou quand t'as quelque chose qui va arriver, tu vas avoir directement une place. Pour le mettre, parce que tu t'es bien organisé, comme dans ton bureau, quand t'as un document, quand t'enregistres un fichier, machin, t'as le dossier qui, tu sais, dans... parce que souvent, quand on met sur le bureau, c'est qu'on sait pas vraiment où les mettre. Mmh. Donc, c'est un petit peu ça, et du coup, ça peut quand même faire gagner pas mal de temps dans la vie, et te permettre de t'enlever pas mal de soucis, en fait. Donc, c'est vraiment, pour moi, là où il va servir le minimalisme, c'est arriver à gagner du temps, à être plus efficace chez toi, et à pas t'encombrer de tu cherches un truc, tu cherches pendant 4 heures, quoi. Après on peut faire des... des généralités, genre en mode. On fait pas ça ici, monsieur. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui mettent leurs documents. Des connards, les gentils. Et ceux qui les mettent dans des documents, tu vois. Après, est-ce que à dire que les gens les mettent sur le bureau, c'est des bordéliques? Je sais pas jusque-là, je le pense, mais j'irai pas. Voilà. Après, ça. Je le pense, mais je le dis pas, mais je le dis d'ailleurs. Si t'es vraiment minimaliste, tu n'as pas de bureau, par contre. Je tiens à le préciser. Mais vous êtes pas encore à ce stade-là. Vous êtes là, tu vois, Charlie, il est par terre avec son écran et c'est. Et ses chaussettes. Mais d'ailleurs, c'est marrant de voir que toi, tu as abandonné en fait le minimalisme. Parce que je vois que ta chronique faisait 25 pages et celle de Charlie, une page. Oh, yeah. C'est bien, c'est propre, c'est non, mais c'est écrit sur la boîte. Il y a deux pages. Une fois de plus. Non, mais on va recycler. On va recycler après les papiers. C'est ça. Bon, moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. On passe au suivant. Moi, j'ai hâte d'entendre le prochain. C'est qui? Et le prochain, c'est. Et Nicolas. Et non, mais Charlie n'a pas envie de passer à la suite, donc on reste. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est si beaucoup de gens pouvaient écouter ça, ranger, franchement, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à la planète. Ça fait du bien à vous. Et du coup, c'est une bonne thérapie, je trouve. Enfin bref. Ouais. Bande de pauvres. Merci. Voilà. Alors, vu que je suis censuré, la prochaine. Mais non, mais il peut encore s'exprimer. Il a dit. Bon, et voilà. Moi, je peux pas. Mais si, continue. Charlie, il nous entraîne au bout de la nuit. Hein. Non, allez, on va enchaîner. On va enchaîner avec Nico. Donc, Nico qui se demande si c'est vraiment utile d'être un leader. Il sort son petit papier de derrière sa. Derrière ses fagots. Derrière ses fagots. Merci. J'ai beaucoup encore des timings sur ce truc-là. Mais j'ai l'impression d'être dans Friends. Ça va arriver. Prout. Ah yes. Absolument. Alors Nico. Alors moi j'ai quand déjà, j'ai pas de place. On parle de minimalisme, mais moi tout le monde a foutu les cacahuètes. Là où je suis, je peux même pas poser ma chronique sur la table. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un scandale. C'est des pistaches. Alors. Ouais, de toute façon je vais la tenir à la main. Attends, moi, je t'ai dérangé pour rien. Alors, eh bien, écoutez, c'est simple. Ma chronique se base sur un événement que j'ai vécu il y a à peu près 4 ou 5 ans. Enfin, c'est un événement qui servira d'anecdote de départ à ma chronique, naturellement. Yes. J'étais dans le métro. Je lance un bruitage de métro. J'étais dans le métro, non, les portes se ferment. Et le métro démarre et soudain, je me rends compte qu'en face de moi, il y a un jeune homme qui est assis, très séduisant naturellement, bien habillé, bien coiffé, qui lit un bouquin jaune que je reconnais immédiatement parce que ce n'est pas la première fois que je le voyais. Il s'agissait de L'Art de la guerre de Sun Tzu. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. Si, mais je ne l'ai pas lu. C'est mon livre de chevet. Et bien, du coup, ça tient. C'est un ouvrage. C'est un ouvrage. Excuse-moi, je suis en train de faire ma chronique. Alors, tes histoires de tu as lu Sun Tzu, tu n'as pas lu Sun Tzu, excuse-moi, ça attendra le débrief. Merci. Je disais donc, il était en train de lire Sun Tzu, et je me dis, mais écoute, c'est formidable, où est-ce que je vais en venir? J'essaie de rassembler mes esprits, parce que j'ai bu trop de whisky avant de démarrer ma chronique, naturellement, comme toujours. Whisky, c'est un soda à la fraise. Hein, et oui, j'allais vous parler de Sun Tzu, et il se trouve que L'Art de la guerre, c'est un ouvrage de stratégie militaire qui a été écrit par un vieux général chinois du 6e siècle, et qui a été beaucoup repris par les écoles de commerce, et toutes les business schools en tout genre, parce que ce serait une bible, tu vois, si on en fait une lecture un peu différente pour manager les hommes et devenir un super leader, tu vois, un mec un peu qui connaît les ficelles de la nature humaine, qui peut diriger les gens, machin, à leur insu, etc. Bref. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est dingue, encore un mec, tu vois, qui est dans son école de commerce, probablement, tu vois, qui fait des études un peu de business, qui s'apprête à devenir un leader et qui est persuadé qu'en lisant Sun Tzu, tu vois, il essaye de se rappeler de toutes les maximes, parce qu'en gros, c'est une succession de citations, tu vois, il essaye de se souvenir de tout pour pouvoir se dire, ah putain, ça j'appliquerai à ce moment-là quand je serai dans ma multinationale et que c'est des citations un peu motivantes, comme tu trouves sur Internet. Ouais, non, mais c'est des cas de figure un peu précis, mais qui parlent vraiment d'art guerrier, pour le coup. D'accord. Tu vois. Donc, tu vois, j'imagine bien chaque élève qui essaye de prendre le truc, il voit bien que ça parle de terrain, que ça parle de militaire, que ça parle d'encerclement de l'ennemi, mais qui se dit, ah ouais, non, mais je vois tout à fait ça en réunion, je vais pouvoir m'en servir à ce moment-là, tu vois, le terrain, c'est le projet, enfin bref. Et je trouve qu'on est à une époque qui est un petit peu obnubilée par le leadership, au sens où le leader a cessé d'être une personne exceptionnelle parce qu'on l'oppose au suiveur. Et personne n'a envie d'être un suiveur, donc tout le monde a absolument envie d'être un leader, tu vois. Sans se poser spécialement la question, est-ce que j'ai en moi ce qu'il faut pour être un leader, ni même est-ce que c'est possible d'apprendre réellement à être un leader en lisant Sun Tzu ou en lisant n'importe quel autre ouvrage, peu importe, il y en existe des milliers de manipulations psychologiques ou tout ce que tu veux, tu vois. Alors, où est-ce que je suis dans ma... Pour ceux qui vont chez Leader Price. Absolument, ils sont leaders au niveau des prix. Merci. Voilà, le leader, c'est celui qui va se démarquer, celui qui va créer quelque chose. Et on entre, je trouve, et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu aussi la chronique sur Facebook, qui décidément est une chronique maîtresse. C'est une course à la démarcation où on voit une multiplication, entre autres, typiquement des prétentions artistiques, par exemple. Parce que la prétention artistique, c'est un espace où les gens se disent, de manière assez facile, je vais pouvoir montrer que je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui crée, qui mène des projets à terme, etc., en disant, bon, bah voilà, typiquement, l'art, c'est un peu flou, du coup, il n'y a pas forcément besoin de travailler énormément, je vais pouvoir faire mon truc, je vais pouvoir montrer que je crée, je vais pouvoir mobiliser des gens autour de moi, etc. De la même façon, il y a un espèce de hiatus avec la mode, la façon de s'habiller, où on nous rabâche dans les pubs qu'il faut être soi, il faut être soi-même, tu vois, il n'y a pas vraiment de code, il ne faut pas suivre les codes, tu vois. Il faut être soi-même, mais en même temps, on est un peu conformiste. Quoi. Absolument, exactement. Et c'est ça, tu vois, il faut être soi-même, c'est Lévis, c'est go forth, c'est vis ta vie, tu vois, mais au fond, tu vis ta vie, mais tu t'habilles comme Lévis t'a dit de t'habiller, parce que c'est eux ça. Qui te disent de vivre ta vie, tu vois. Et pour vivre ta vie, il faut que tu aies un jean Lévis, par exemple, tu vois, d'ailleurs, j'ai un jean Lévis moi-même. Du coup, c'est vrai, là du coup, tu n'es plus beaucoup, enfin, je veux dire, tu n'es pas un leader, quoi. Absolument. Et je t'ai niqué ta conclusion. Non, pas du tout. Bah alors, c'était pas la conclusion, sinon ma chronique durerait 3 minutes 54. Mais disons que oui, voilà, c'est un des constats que je fais, c'est qu'il y a cette espèce de course au leadership qui croise donc la recherche de l'exception. Et cette quête, généralement, ne grandit pas spécialement les gens. Il y a une pression du collectif d'abord qui s'applique sur les gens. Les gens se disent, on va pas me trouver intéressant. Tu vois, les autres vont pas me trouver intéressant. On va considérer que je suis un naze ou que j'ai pas d'ambition. Voilà, ça c'est une peur un peu primale aujourd'hui, je trouve, c'est de se dire, alors là, les gens vont se dire que je suis un mec qui a pas d'ambition. Voilà, typiquement, quel métier je veux faire? Ah, je veux être prof. Ah, tu veux être prof? Ah, mais c'est pas bon, d'accord, mais si tu veux, c'est pas terrible. Ah, je veux être assistante sociale. Bon, ah, c'est bien, c'est pas terrible. Ouais, c'est bien. C'est... Ah, il en faut, hein. Ouais, ah, c'est oui, sûr. Ah, t'es sûr? C'est pas spécialement bien vu. Et puis, à cette pression sociale s'ajoute aussi la pression liée à notre famille. Parce que ça remonte à loin. Tu vois, généralement, on a une famille qui est toujours persuadée qu'on est quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois. Jamais tu verras une mère être persuadée que son fils n'est pas brillant par rapport à un autre. Tu vois. Et du coup, on se juge comme ça les uns les autres en permanence et on essaye d'être meilleur et de sentir qu'on dirige. Tu vois. Une pression personnelle aussi. On se dit qu'on vit qu'une fois et qu'on doit absolument faire des grandes choses. Tu vois. Tu te dis, t'es chez toi, là, je suis chez moi, je sais pas de regarder la télé, mais ça, c'est pas quelque chose de brillant. Tu vois. Tu sais bien que plus tard, il faudra que tu fasses autre chose parce que là, c'est pas ça ta vie. Tu vois. À la fin, tu veux pas que les gens se souviennent de toi. Le mec, il a rien fait. Voilà. Pour ton épitaphe de Pierre Tombal, quoi. Exactement. Mais la question que je me suis posée, c'est je dois faire des grandes choses, mais du coup, grandes pour qui? Parce que les grandes choses que je veux faire, est-ce que ce n'est pas les grandes choses que la société considère être des grandes choses? Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire ces grandes choses qui me mettent mal à l'aise quand je suis chez moi en peignoir et que je ne fais rien, tu vois? Et je me dis, putain, mais je devrais être en train de faire des grandes choses, tu vois? Comme Steve Jobs a fait des grandes choses, comme d'autres ont fait des grandes choses, comme les grands artistes font des grandes choses, tu vois? Et pas être chez toi à faire du rangement, quoi. Exactement, voilà, typiquement. Enfin bon, Donc, je me demande si on ne devrait pas se poser un peu plus la question de la vie sans responsabilité et sans spécialement d'enjeu, à savoir essayer de se mettre un petit peu moins en scène et se projeter un peu moins dans le regard des autres, à savoir essayer de fouiller en nous quelles sont nos vraies aspirations et pas ce qu'on croit être nos vraies aspirations. Parce qu'on nous a appris à nous dire qu'au fond, on voulait faire des grandes choses. On nous a appris ça parce qu'on nous a appris à idolâtrer les créateurs et les leaders, et on développe du coup ce refus de la banalité qui nous est transmis. Voilà, ça c'est un petit peu la synthèse par nos parents et par notre famille. On veut jamais être quelconque. La notion d'image de soi est décuplée naturellement par la médiatisation de nos personnes via les réseaux sociaux. Je peux pas être moi-même si je peux être moi-même uniquement si je n'ai pas de public. Et ça, c'est encore une fois, je trouve que ça recoupe bien ce que disait Sacha, dans la mesure où, effectivement, si on était un petit peu moins, si on avait un peu moins de visibilité sur ce que font les autres dans leur quotidien, ou du moins ce que laissent paraître les autres de leur quotidien, les gens seraient peut-être un petit peu plus eux-mêmes. Tu vois, si j'étais, si j'avais le droit en fait d'être chez moi à rien faire et que je donnais pas l'impression du coup que j'existe pas parce que je suis pas en train de poster un truc artistique que j'ai fait sur la toile, parce que je suis pas en train de donner mon avis, parce que je suis pas en train d'essayer d'haranguer les foules quelque part, je pourrais effectivement me concentrer sur ce que moi j'aime. Alors, est-ce qu'on a le choix d'être un leader ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le travailler ? Moi, personnellement, je pense que non. Je pense que le leadership ne peut pas se décréter. Le leadership, ce n'est pas la place qu'on occupe dans la société, ni la place qu'on occupe dans sa société. C'est la capacité qu'on a à emmener les gens avec soi, à les inspirer ou à les rassurer. Et je pense que cette puissance ne peut pas s'alimenter d'elle-même. Au sens où, en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on puisse être un leader en essayant de travailler à devenir un leader. À savoir, tu vois, Sun Tzu, qui était sans doute un grand leader, il a pas eu le livre de Sun Tzu pour apprendre à devenir un grand leader. Il était un grand leader et il a écrit un livre et les gens s'en sont inspirés en étant persuadés qu'ils allaient apprendre à devenir un leader en le lisant. Mais en fait, on ne devient pas forcément un leader en essayant de l'être. On est un leader parce qu'on connaît ce dont on parle. On est un leader parce qu'on travaille, je pense, avant tout. Et il découle de ce travail qu'on fait autorité. Et d'une manière générale, c'est vrai que moi, personnellement, une personne que je vais suivre, une personne venant de la... Enfin, une personne dont les conseils vont faire mouche chez moi et que je vais avoir envie d'écouter, éventuellement, de lui emboîter le pas pour l'aider, c'est quelqu'un chez qui je reconnais une espèce de forme de supériorité dans la maîtrise de quelque chose. Tu vois. Je me dis, je vais suivre cette personne parce qu'elle en sait plus que moi et que je vais pouvoir progresser. Dans un domaine particulier, quoi. C'est ça. Absolument. Ouais, c'est ça. Et oui. Elle a mérité ton respect par rapport à ce qu'elle a créé. Quoi, absolument, oui. Mais généralement, si tu veux, ça ne va pas être une personne creuse dans la mesure où c'est... Je trouve que ce fait de vouloir apprendre à parler aux gens pour les diriger... Il y a quelque chose de vide dedans, tu vois, parce que tu les diriges vers quoi ? C'est quoi ton domaine d'expertise ? Tu peux pas être expert en parler aux gens, tu vois ce que je veux dire ? Il y a forcément quelque chose qui fait ton expertise, qui fait que t'apportes quelque chose d'autre, de plus, tu vois ? Tu mènes les gens vers où ? T'es spécialiste en quoi ? Il y a quand même un métier qui s'appelle manager, qui est du coup l'art de savoir simplement gérer. Ouais, mais justement, je trouve qu'il y a beaucoup. Pardon, excuse-moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes que j'entends, tu vois, parmi les jeunes, typiquement les jeunes étudiants, beaucoup en école de commerce, qui sont là pour être manager, tu vois. Mmh. Ils veulent être manager. Ah, ils seront dirigeants. Et puis tout le monde a des postes, tu veux. Maintenant, dans n'importe quel endroit, t'es chef de rayon, t'es chef de projet, ouais. T'es chef de site. Il y a que des chefs, ouais, partout, tu veux. Les gens veulent être manager. Mais manager en quoi ? C'est pas un métier, manager. Tu vois. T'es manager dans quel domaine ? C'est ton entreprise crée quoi ? Tu vois. Il faut connaître le milieu dans lequel tu travailles, il faut connaître le produit que tu vends, il faut connaître la technique de création, tu vois, manager. On en reviendra peut-être après, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait qu'un manager, il doit forcément connaître l'entreprise par cœur ou le métier dans lequel il évolue. Un manager, c'est quelqu'un qui motive, quelqu'un qui peut donner de l'inspiration. Moi, il y a des gens qui me donnent de l'inspiration alors qu'ils ne connaissent rien à ce que je fais, par exemple. Juste en me disant, en me poussant à faire des choses, si on me dit par exemple, mais va au bout de ce que tu fais là, et ça, si tu penses que c'est bien, continue, tu vois, sans même que ce soit précis, sans même que ce soit spécifique à un cas, quelqu'un peut être là pour gérer les foules et pour donner un dynamisme à une équipe sans forcément être un technicien du domaine, en fait. Mais moi, je pense pas que ça, ce soit là, un type de leader qui peut vraiment te donner la foi. Après, pour moi, je séparerais leader et manager. C'est vraiment deux choses différentes. Un leader, il a une sorte d'aura qui fait que naturellement les gens le suivent, ou en tout cas suivent ses conseils, ouais. Etc. Et le manager, c'est vraiment quelqu'un, voilà, il va être là, c'est son métier d'aller vers les gens pour les motiver. Ouais, parce que là tu mélanges leader en tant que métier, quoi. Et même entre moi, Charlie, hein, désolé. En tant que métier, leader et manager, je pense que c'est des choses complètement différentes. Manager, c'est un métier. Leader, c'en est pas un, tu vois. Oui, c'est pour ce que je viens de dire, quoi. Ouais, mais je résume mieux, moi. Ah, d'accord, ok. Donc pour toi, c'est naturel. d'être un leader. Tu peux pas l'apprendre, c'était bah, ça c'est le sujet. C'est ce que aussi semblait dire Nico, en disant qu'il y a plein de gens qui lisent L'Art de la Guerre et c'est pas tous des, en fait, leaders. C'est pas pour ça. Toi, tu penses que tu peux être un leader naturel, et Nico, il se demande si tu peux, être si tu peux l'apprendre en lisant un bouquin, ouais. Ou, mais sa conclusion, c'était plutôt bah, tu peux être un leader en fonction du domaine d'expertise dans lequel tu veux être un leader. Tu vois, si on prend un modèle un peu genre façon Koh-Lanta, tu vois, imaginons. Non, pas genre l'émission qui est passée l'autre fois, The Island. Mmh. Tu prends Mike Horn, le mec qui fait depuis 40 ans, qui est survivaliste et tout ça. Oui. Lui, tu le places au milieu de tous les noobs survivalistes. Concrètement, lui, c'est un leader. Les autres, c'en est pas un. Même s'ils vont, enfin, je veux dire, la façon dont ils vont essayer de le copier un peu par mimétisme, ça va pas en faire des leaders. Alors, est-ce que Mike Horn, lui, ça sera un leader ou ça sera un manager au vu des autres? Je pose la question là, des heures. Pour Mike Horn, ce serait un leader, naturellement. Oui, là, pour ça. Mais c'est pas un leader parce que le mec parle super bien. Non, c'est parce qu'il parle super bien. Mike Horn, au milieu d'un groupe de français, il a un accent à couper au couteau, tu sais même pas de quel pays il vient, le mec. Et tu vois, il a pas l'art de la parole. Ce sera un leader pourquoi? Parce que le mec, il sait comment survivre. C'est ça. C'est un leader parce que ce sera le meilleur. J'attends l'imitation de Sacha de Mike Horn, je suis déçu que tu l'aies pas fait jusqu'à présent. Ah, là, faut que je me remette dans le bain. J'étais un peu passionné par le discours. Bon, ce sera quand tu pourras. Ouais, mais peut-être on va te laisser finir là parce qu'on t'a un peu coupé. Mais courir dans le jungle pieds nus et marcher sur les cailloux, c'est la mort assurée. Oh merde. Allez, c'est la mort. Il est parmi nous, messieurs dames. Je t'en prie, continue, Nico. Continue. Non, alors, je vais te dire ce qui est malheureux avec cette histoire, c'est que, en fait, c'était terminé. J'en étais à une phrase de ma conclusion. Ah merde! Et du coup, on I'm a sorry, perdu man. Cette, tu vois, l'envoi final. Couper un chroniqueur avant qu'il termine, c'est pas grave. Non, il est un leader. Mais couper le pied du chroniqueur sur un rocher, là, il y a des requins. Putain, j'ai envie de te suivre là. La mort assurée. Voilà. Et donc. En fait, j'appelais les gens qui ne ressentent pas du coup spécialement cette envie-là de travailler pour connaître un domaine précis et donc de devenir éventuellement leader en ce domaine, de ne pas poursuivre dans leur volonté de devenir un leader, tu vois, mais un leader vide de sens, juste un leader pour être leader, pour se dire qu'ils ne sont pas suiveurs. Voilà. Terminé, c'est la fin. Bravo. Ah, ouais. Super intéressant. Merci. Alors, je pense que ça va amener. On va continuer un petit peu ce débat, je pense, pendant assez longtemps. Super intéressant, je ne sais pas. Tu vois, bon, déjà je fais une petite. Je te reprends sur un truc. Tu disais, ouais, je suis prof. Alors, je sais pas si tu dénaturais un peu le boulot des profs. C'est quand même le métier qui est quand même le plus représenté en France, par exemple. Oui, mais enfin, quand on parle de réussite, très difficile. Quand il on faut parle... le souligner. Big up à sa prof de SVT de copine. C'est ça. Je dis pas. Non, mais c'est pas ça. C'est quand on dit quand on parle de réussite dans la vie, on ne dit pas les gens qui ont bien réussi dans la vie ne sont pas profs. Enfin, dans l'imaginaire collectif, je parle. Hein. Ils sont footballeurs, ils sont stars, ils passent à la télé. Footballeur et star, c'est réussir dans la vie. Non mais je te parle de la manière de voir de on va se mettre sur la gueule. Ce que c'est que la réussite qui est amenée par les par les médias, oui, absolument. C'est ça, par la société en fait. Non mais je pense que tu as compris le contre-pied de ce que je voulais dire par contre. C'est-à-dire que moi je dénonce justement ça. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Parce qu'il y a deux choses en fait dans ce que tu as dit, il y a donc qu'est-ce que c'est que la réussite? Et qu'est-ce que c'est qu'être un leader et la différence entre être un leader et un manager aussi. Parce que oui, c'est vrai que la réussite, on a une image comme ça de ce que les médias nous envoient, alors qu'en fait, la réussite, ça peut être, ben voilà, j'ai élevé des gamins, j'ai réussi à leur filer à bouffer tous les jours, et c'est des bonnes personnes. Je pense avoir réussi quelque chose. Absolument. Sans forcément avoir changé l'humanité. La réussite, en fait, c'est plus personnel que ça. Je pense que la réussite, c'est quand tu réussis ta vie, entre guillemets, c'est quand tu as fait ce que t'aimais faire en fait et que t'as réussi à le faire en fait. Ça je prouve que ça c'est la réussite. Réussir un truc parce que la société a dit ça c'est bien, c'est oui, ok, d'accord, mais le problème c'est que la société, en gros, quand on parle de la société te dit, c'est elle te dit à travers les émissions qu'elle t'envoie, à travers les images qu'elle t'envoie, c'est la société te dit ce que tu... Je remets son micro, je lui ai fait un geste, il a mal compris. Le micro vers ta bouche, c'est juste ce que je te disais. Donc la société, oui, pardon. Non, je disais, moi, parce que il me dit, oui, réussir sa vie, c'est quand t'as fait ce que t'avais envie de faire. Et moi, ce dont je parle, c'est précisément le fait que j'ai l'impression que les gens savent pas vraiment ce que eux ont envie de faire. Oui, et ils s'appuient sur, du coup, comme ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils disent bon bah alors qu'est-ce que la société a envie que je fasse en fait. Ils vont avoir une impression, tu vois, typiquement, voilà, en ce moment tu sais très bien, le métier de prof c'est pas un métier qui est bien vu, tu vois. C'est un métier qui est mal vu par les élites. C'est mal vu. Bien sûr que si, c'est un métier qui est pas très bien vu. Demande à un trader ce qu'il pense d'un prof, tu vois. Il va te dire ouais, bah, t'es prof, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un métier qui est bien vu. Le débat n'est pas là. Mais va dire à un prof, t'es trader. Le prof, il aime pas les traders non plus. Oui, non, mais absolument. Personne. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, la réussite en ce moment, c'est plus les traders. Ah, t'es manager, ah, tu crées ta boîte, oh putain, là, là, c'est aussi beaucoup l'argent en fait. Ouais, absolument. Il y a beaucoup de c'est ça. C'est lié, mais il y a aussi ce côté toujours à leader, ah là là, toi tu diriges, toi tu mouves, tu bouges des forces, tu vois. En fait, le débat, il est sur est-ce qu'il faut être leader, mais je te dis encore une fois, leader, c'est quoi? C'est un métier? C'est pas un métier. Non, là, c'est un statut qu'on s'auto-proclame pas leader. Mais non. En fait, à part Kim Jong-un. Mais. Tu vois, c'était hyper radiophonique. Hein. J'ai une citation d'un chef-d'œuvre qui s'appelle Mass Effect. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui parle. Non, mais où le personnage principal qui est leader, mais leader parce qu'il est à la tête de son unité, peut-être qu'il est leader, peut-être qu'il est manager, j'en sais rien. Mais il dit une chose intéressante. Il dit un truc genre c'est marrant avec le respect, tu vois, c'est que les gens ils pensent que ça leur est dû, alors que c'est faux. Le respect, ça se mérite, tu vois. Et être leader, c'est quand t'as mérité le respect, tu vois. Ouais. Merci, bonsoir. Ouais, mais j'ai pas d'applaudissements, je suis déçu. Ouais, t'aurais dû finir sur une vanne, pardon. Du coup, il y a ce côté, cette idée d'aura et de charisme. Quelque chose, un leader, tu sais pas s'il mérite le respect ou pas. Tu connais pas le mec, tu sais pas d'où il vient, ce qu'il a accompli. Et pourtant, il va être le leader. Pourquoi? Parce que c'est un mâle alpha. Non, je déconne. Un mal alpha. Non, mais si, c'est peut-être ça. C'est ça aussi. C'est pas que le background du mec. C'est purement la posture, animal, la voix, purement... l'énergie. Je pense que c'est une question d'énergie. Tu dégages une certaine énergie dans certaines circonstances. Après, il y a des moments où je pense que certaines personnes se révèlent être des leaders dans des moments de danger, des moments de peur. Il faut... Mais moi, ma théorie, c'est que tu te révèles être un leader quand... T'as une connaissance de ce qu'il faut faire. Quand t'as lu le livre de Sun Tzu. Non, quand t'as une connaissance de ce qu'il faut faire. Une connaissance où tu arrives à mieux gérer tes émotions et ton stress sur le moment que les autres. Éventuellement. Mais tu vois, je trouve que là, t'es paradoxal en disant que le fait d'être leader peut venir de la connaissance d'un sujet ou d'un travail particulier. Et en même temps, tu te dis, les gens, ils lisent ce bouquin, ils lisent L'Art de la Guerre et ils n'arrivent pas pour autant à être des leaders. Alors que bah, du coup, ça, je trouve que c'est paradoxal en fait. Non. Du coup, si un leader ça peut s'apprendre, tout le monde serait un leader finalement. Pour moi, un leader c'est quelqu'un qui a une aura naturelle qui fait que naturellement les gens ils vont aller dans son sens et il va pouvoir gérer des gens comme ça. Et après, les leaders d'ailleurs ne gèrent pas forcément des gens. Il y a des leaders d'opinion, des gens où peu importe ce qu'ils disent, on va suivre un peu ce truc là parce qu'on a un respect pour la façon dont ils pensent. Il y a aussi des leaders qui sont pas forcément des gens brillants. Pour moi, Kim Kardashian est une sorte de leader dans son domaine aussi, quoi, parce qu'elle est influente, c'est ça, exactement. Oui, mais tu vois bien qu'il y a toujours, après ça paraît bizarre, mais l'influence, oui. Il y a toujours dans le domaine dans lequel exerce le leader une sorte d'excellence dans le domaine. Kim Kardashian, tu trouves ça ridicule que ce soit une leader, mais elle a une sorte d'excellence dans les fesses. Non, elle a une excellence dans la communication, dans l'art de se mettre en scène, mais qui résulte etc. de beaucoup de travail, malgré tout. C'est un sacré boulot quand même d'être présent en permanence, comme ça, tout le temps pour montrer tes fesses. Enchaîner une phrase avec Kardashian et leader derrière, franchement, non, mais, c'est oui, mais si, parce que dans son domaine, elle influence énormément de choses. Après, elle, c'est vrai que ça a l'air plus travaillé, parce que on sent qu'il y a quand même un truc où elle a cherché à le faire, quoi, à en arriver là. Moi, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, on crée un groupe de musique tous les deux. Ouais. Je connais pas spécialement la musique. Toi, tu connais des trucs, tu sais lire les notes, machin. Tu vas m'apprendre à lire les notes. Hein. Alors, quelle était la question? Attends, excusez-moi, il y avait une question. Parce que là, je suis perdu. Je suis toujours en train de fiquer. D'accord. Être leader. Pourquoi? Alors, parce que tu connais. Que tu vas m'apprendre, tu vas me porter. Des fois, je vais pas réussir à faire des trucs vu que je suis un novice, tu vois. Et toi, tu vas m'aider. Ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que ce statut de leadership, tu l'auras parce que tu connais la musique. Tu l'auras pas parce que tu as appris en lisant Sun Tzu comment, si tu as un subordonné qui est un peu capricieux, comment faut que tu lui parles. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Et ça peut paraître un peu prétentieux, mais je pense que j'ai un tempérament qui fait que même si je m'y connais pas, je peux melon, mener. Non, mais vrai, après, voilà, je le pense, je le dis, tu vois, je fais pas de fausse humilité. Je pense que j'ai un truc qui fait comme ça, que j'aime bien diriger les gens aussi. J'y connais rien en podcast. Et pourtant, je suis l'hôte de ce truc-là. Il y a une différence entre leader et casse-couille. Oui, mais peut-être, mais il y a des gens. Je suis un manager, en fait. mais même, par exemple, si on fait un tournage. Par exemple, parce que toi, tu fais de la vidéo, tu fais de la captation, tu fais des films. Peut-être que toi, t'as un tempérament qui est plus en retrait, qui est plus, tu vois. Et moi, je pourrais peut-être être là plutôt pour dire de faire les choses, etc. Amener, tu vois. Mais donc, c'est pas une question de connaissance. Et si le leader, c'était celui qui se rend compte à un moment donné par rapport aux autres. Quand t'es tout seul chez toi, t'es pas un leader, t'es tout seul. Il faut forcément qu'il y ait d'autres gens pour être un leader. Et si justement le leader, c'est pas un mec qui arrive dans une pièce et qui dégage une énergie, un chakra, etc. Et si en fait le leader, c'était pas un mec qui jauge très vite les autres et qui se rend compte que pour ce domaine-là, pour ce moment-là, eh ben, c'est lui qui est plus à même de mener les autres, car c'est lui qui est moins stressé, c'est lui qui connaît peut-être plus son sujet, mais ou alors qui a moins peur. Et peut-être qu'un leader se révèle juste parce qu'il jauge tous les autres qu'il y a dans la pièce. Après, et si tu mets deux leaders en même temps, c'est là qu'il y a un problème, parce que les deux leaders, ils jaugent tout le monde et ils se rendent compte qu'il y a peut-être un mec qui est à leur niveau. Et c'est souvent qu'il y a des conflits de leaders comme ça dans les émissions de télé, hein, Koh-Lanta, The Island, ou dans la vraie vie. Le leader, pour moi, c'est un mec qui jauge tous les autres et qui se rend compte que les autres, eh ben, ils ont peut-être un peu plus peur, moins de courage que lui à ce moment-là. Nicolas, et c'est lui qui devient leader. Qu'est-ce que t'en penses ? Et moi, je pense que justement, ça va souvent être lié au travail. Ça. C'est-à-dire que dans une situation donnée, lequel va être le moins stressé, de manière assez générale, le mec que la situation ne stresse pas. Bien. Oui, non, mais ça, c'est. Imagine sur un tournage qu'on a fait, il y a des mecs qui ont dormi une heure et qui sont fatigués, et un mec qui a dormi un peu plus et qui se rend compte tout de suite que les autres, bah, ils vont pas assurer. Et il devient leader, tu vois. Oui. Et les autres l'écoutent. Pour moi, c'est. Ou en effet, un mec qui sait exactement quel plan tourner et les autres savent pas, du coup, les autres, ils vont l'écouter. Ou alors, c'est la catastrophe parce que le mec, il connaît rien et donc personne n'est capable de faire le truc. Justement, ouais, je sais pas ce que je voulais prouver en disant ça. Non, mais moi, je pense justement, le leader, il a la capacité de s'adapter dans n'importe quelle situation, même s'il en est pas expert, tu vois. Moi, je suis en désaccord parce que. Quand bien même, j'aurais pas spécialement une personnalité de leader, je sais que si on se retrouve sur un tournage, je vais pas écouter ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que je sais que tu connais rien. Non, mais si je te donne des conseils techniques, je suis en train de te dire, bon, bah là, on va commencer la première scène, alors Nico, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire, etc. Tu vois ? Moi, je sais pas. Un animateur qu'un leader. Oui, non, mais un leader, c'est pour moi quelqu'un qui aussi pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Ah oui, non, c'est pas. Non. Après, c'est toi, tu parles plus d'un mec. Plus un manager, c'est vrai. Oui, mais toi, tu vois comme un leader un mec qui va te donner la motivation avec une petite phrase. Ah bah oui. Le truc. Non, mais bon, c'est pas vraiment ça. Oui. Pour moi, un leader, c'est le mec qui t'emmène. Mais c'est lui qui tracte. D'accord. Bon, on peut conclure sur le leadership. Du coup, la chronique est terminée. Tout le monde est passé, c'est bon. Bah écoutez, c'était un super petit. Je plaisante. Il reste. Ça va être autour du petit Charlie. Charlie, l'américain. Alors Charlie, tu l'introduis comment tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu disais ? C'est moins de 18 ans. Charlie va nous parler du futur, va nous parler de notre quotidien dans le futur. Quoi. Ouais, on va finir sur une note de légèreté ce soir et de poésie. Ah. Alors c'est pas aussi de travailler que les autres, c'est mon premier podcast. Soyez. Okay, bah, qu'est-ce que ça va donner alors ? Tu travailles 25 minutes, alors c'est à travailler. Le futur, c'est bien. Voilà, complète. Donc, vivre dans le futur. Donc, fermez les yeux, détendez-vous. Voilà. Tu fermes pas les yeux, ça, je te vois. Ah, je dois vraiment fermer les yeux, d'accord, je ferme les yeux. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 décembre de l'année 2263. Et ce matin, vous êtes réveillé comme tous les matins dans votre appartement blanc, lumineux et minimaliste. Je suis content, je l'ai placé. Vous efforcez qu'il le reste, puisqu'aujourd'hui, le monde tourne ainsi. Plus de surproduction inutile, juste l'essentiel dans un design purement objectif, celui qui précède la fonction. devant vos baies vitrées qui ajustent progressivement l'opacité, vos chaussons assortis à votre ensemble de pyjama, vous contemplez le même lever de soleil que tous les matins, celui qui vient réchauffer votre intérieur, et ce, en militant sur votre place dans cette société propre et scintillante. Bref, direction la douche. Un mec qui va aux toilettes. C'est pas trop. J'ai envie de pisser. Une fois de passer sous la douche à la température parfaite, vous savez, la température qui est parfaite, pas le froid glacial ni la chaleur de l'extrême, la température parfaitement adaptée à votre corps, sans même régler la température. Et cette douche aux parois interactives, où vous avez appris que la colonie avait bien atteint la constellation Proxima Centauri, sans malgré tout plus ou moins de contentement. Bon, voilà, ça arrive. Les gens quittent la Terre pour aller dans de nouveaux horizons. Bref, vous êtes mis en route pour votre travail, votre participation à l'évolution de cette société. Vous savez, grâce à la colonisation de la Lune, Mars, Europe et Titan, quelques-uns des avantages d'avoir réglé le problème de surpopulation, pour nous terriens de souche, c'est que toute forme de stress matinal a complètement disparu. Pouf, envolé. Il y a même de la place dans tous les transports, ils ne sont jamais en retard. C'est un monde utopique. Et du coup, les gens n'ont plus jamais couru pour aller au boulot le matin. Ce matin encore, vous êtes passé devant cette boutique. C'est un magasin de fringues qui vous interpelle, car son intelligence artificielle a estimé que votre niveau de hype était bien en dessous de la moyenne. Votre veste tire sur le beige clair et non plus sur le blanc. Bon, comme tout le monde, et ça entre nous, bon, qu'on se le dise, c'est pas cool. Aussi, vous allez vous y arrêter, car ce matin et depuis quelques temps, vous avez aperçu la jeune et svelte droïde vendeur, hein, je ne suis pas jaloux, et vous avez envie, je sais pas, voilà, interagir avec elle. Envie de rouler des mécaniques. Bon, ok, ça s'est pas vu, droïde mécanique, non, personne. Okay. Ah oui, non, mais moi j'ai. Pas mal, pas mal. Okay. Ferme les yeux. On est là. On roule des mécaniques quand on est un robot. Qu'on roule des pelles à un robot. Retrouvez-moi tous les mercredis soirs au théâtre. Il y a quelques siècles, ça aurait pu passer. Il y a quelques siècles, ça aurait pu passer pour une forme de lourdisme, entre guillemets, ou bien de la drague, entre guillemets. Aujourd'hui, nous ne sommes plus considérés comme individus en tant que tels, mais comme éléments d'effort à cette société. Telle une petite fourmi travailleuse. Alors imaginez-là de la drague, sûrement pas. Et puis dans notre société ultra-progressiste, toutes notions d'homosexualité, batifolage avec des robots, et même, bon, si c'est bizarre, avec des arbres, ça a été assimilé il y a bien longtemps. Et oui, ça avait peut-être du bon d'établir la science et le progrès en foi unique dans ce monde. On est quand même plus au 21e siècle, quoi. Enfin, midi pile. Les musiques classiques qui résonnent dans les entreprises annoncent l'heure du déjeuner. Vous allez rejoindre vos amis près du distributeur, ce grand mur parsemé de cases, où vous présentez votre puce dans l'avant-bras pour vous rationner. Au menu aujourd'hui, purée de légumes hyper protéinés et steak reconstitué à base de graines et de sauterelles. Hashtag vegan du futur. Bon appétit. Tiens, vous êtes arrivé en premier. Peut-être que vous êtes en avance. Bon, qui sait. Il y avait avec les montres, hein, quand même, et autres objets de télécommunication, nos ancêtres, quelques atouts quand même. Là, tel un blaireau assis sur le banc, voilà, vous méditez. Du coup, vous attendez sur ce banc. Vous regardez le monde qui vous entoure. Les gens, tous de blanc vêtus, qui foulent les rues carrelées et au milieu de cette végétation luxuriante, est quand même parfaitement maîtrisée. Bon, vous discuterez probablement de la colonie. Est-ce que ce serait pas top pour les vacances interstellaires? Vous qui souffrez de la chaleur à cause du réchauffement climatique, bon. Vous dites que le paquet d'étoiles jumelles qu'il y a là-bas, ça va pas ranger les choses, quoi. Bref, à méditer. Fin de journée, il est 20h. Vous marchez rythmé au son cristallin des modules de transport. Ces petits modules-là. Parfois, ça me rappelle le bruit des vagues. Enfin, bon, je dis ça, mais en vrai, je les ai vus sur une vidéo d'archives, hein, bien avant que l'océan atteigne l'Oural. Hein. Les hommes de l'époque osaient s'y baigner encore, les oufs. Bref, songez à vous regarder le ciel, ce ciel dénué de pollution. Et vous repensez à cette rumeur, comme quoi le dernier pigeon sur Terre venait de s'éteindre. Ce qui, entre nous, ne serait pas hyper dérangeant. Et puis aujourd'hui, à part quelques chiens et chats clonés, nous ne voyons guère plus beaucoup d'animaux intempestifs. Sûrement la faute de nos ancêtres primitifs, encore eux. Et pour citer ce célèbre philosophe d'il y a 200 ans, il me semble, toujours les mêmes, et il y en a marre. Voilà. Stromae. Ils disent tous les mêmes. Tous les mêmes. Non, pas toujours. À mon école du futur, j'ai pas bien appris. C'est ça, mais les stations se perdent avec le temps. 200 ans, c'est terrible, hein, ça fait mal. Ça fait ruine une jolie phrase. Bah, depuis que Zuckerberg est président, c'est dur. Il est encore vivant ? Bah, il est connu. Il a trouvé le moyen. Avant de rentrer chez vous, dans votre immeuble brillant et parfaitement agencé, vous êtes passé au Wiki Museum. Voir avec de la nostalgie les inventions développées par peut-être vos arrière-grands-parents. À savoir, bon, je les donne dans le désordre, les applis qui traduisent en temps réel, c'est incroyable. Tu peux être chinois et l'autre espagnol, ils arrivent quand même à se comprendre en temps réel. Les vitres qui se teintent et font varier l'opacité en quelques microsecondes. Ça c'était les prémices de nos baies vitrées géantes qui ajustent la luminosité. Quoi. Les prothèses bioniques, c'est incroyable, hein, un mécanisme robotique qui arrive à interagir avec votre esprit, en fait, votre esprit, avec vos neurones, qui, je le souligne maintenant, équipe désormais 40% de la population. Hein. Les nanorobots, ces petits robots soigneurs injectés directement dans le corps, qui, bon, maintenant... On ne meurt plus de cancer, vu qu'on est blindé de robots. Les entreprises qui arrivent à matérialiser des souvenirs. Et puis bon, voilà, pour finir, la naissance de l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, levons nos verres d'électrolytes à tous les humains de l'an 2000, car peut-être qu'ils n'étaient pas aussi ignorants, tout compte fait. Nous leur devons beaucoup. Nous leur devons beaucoup d'avancées, en vrai. Et peut-être qu'ils vivaient déjà dans un futur sans même le savoir. And cut. Et vous pouvez revenir à la réalité. Vous êtes dans votre RER tout moisi. C'est incroyable. Moi j'attendais une masseuse depuis tout à l'heure. Une masseuse du futur robot. Ouais. Pour lui rouler des mécaniques. Oh. Moi bon, c'est une vision légère en fait. Ouais. Du futur. Passons à la vision lourde. J'ai pas été dans le détail parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais bon voilà, c'est un peu un condensé qu'on peut voir un peu dans tous les films un peu de science-fiction où tout est blanc, où tout Alors, est après il y a deux visions du futur. Il y a Ridley Scott et il y a Minority Report. Quoi. J'ai essayé de faire une sorte de petit medley entre les deux. Ridley Scott, Minority Report, non, en plus Spielberg. Je le savais. Culture quand tu nous tiens. Spielberg a dit Nicolas. Non, je suis un leader en termes de cinéma. OK, vous m'en foutez. Okay, la connaissance. Excuse-nous. Non, en fait, j'ai voulu faire en fait travailler vite fait, donc justement ces deux visions-là, savoir où tout est beau, tout est gentil, et l'autre côté un peu plus, voilà, c'est ça, un peu ennuyeux avec le temps qui est déréglé, il y a plus aucune bête sur terre, enfin bref, voilà. Ouais, c'est ça, tout ce à quoi on aspire aujourd'hui. La pollution. Je suis écolo. La poussière. Voilà, c'est ça. Non, mais aspire aujourd'hui. Non, mais en gros, pas mal. En gros, toutes ces choses-là, on a l'impression dans ta vision du futur que une fois que c'est acquis, on s'emmerde, quoi. Bah oui. En fait, contraintes font les petits plaisirs de la vie, en fait. Font la vie. La mort, la peur de la mort fait qu'on... Si on n'a plus peur de la mort, on finit par ne plus vouloir vraiment vivre, quoi. Peut-être. Alors, c'était ça le discours. Mourons tous. Pose le couteau. Et donc c'est comme ça que tu imagines vraiment l'avenir ou pas? Ah, c'est toi qui tousse depuis tout à l'heure. Non, c'est pas moi. J'entends un mec qui tousse. Non, c'est un son que j'ai balancé, c'est pour faire genre. C'est pas ma vision du futur. C'est un peu la vision qu'on nous donne, un peu du futur. Ah, c'est pas toi qui as écrit. Tu as copié le texte sur internet? Wikipédia. Ah, c'est pas possible. Mot pour mot. Dans ton Wiki Museum. Et toi, qu'est-ce que t'espères? T'espères un futur qui ressemble à ça un peu quand même? Moi, parce que c'est toi qui nous a parlé de minimalisme aussi. Ouais. Non, c'est moi, mais toi qui l'as fait. Non, en fait, il y a un point que j'aimerais bien que ça se passe. C'est le minimalisme. Surtout ce point-là, et rondons-en. Non, c'est la colonisation des planètes de notre système et des satellites. Et surtout, ce qui s'appelle la colonisation en fait, des autres systèmes voisins. avec des vaisseaux générationnels. Et pourquoi tu voudrais pas quitter cette terre? Pourquoi tu voudrais quitter cette terre? Je reformule. C'est pas la même question, hein. Tu as pire que reformuler, tu as vraiment posé une autre question. Tu veux laisser cette terre comme ça à tes pauvres enfants qui crevaient dedans et toi, tu te casses? C'est pas quitter, l'humain il doit quitter la terre pour survivre, c'est ça qu'il faut se dire. T'as jamais été dans l'espace mon gars, ça pique. C'est dans un film avec Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Entre les étoiles, c'est la version québécoise. On attend que quelqu'un parle ou je vais distribuer la parole tel un. Relance la musique, sinon elle était très agréable. Alors Nicolas, je pense à. Ok. Alors Nicolas, d'après toi, qu'en pense Charlie? Pardon, c'est quoi la question? C'est juste d'après Nicolas. Qu'est-ce que tu dis? Que tu veux? C'est carte blanche. C'est. Je prends la parole. Excusez-moi. Ah bah vas-y. Excuse-toi. Comment toi tu la vois par exemple? Cette vision un peu... tu la vois plutôt blanche ou plutôt crade? Le futur. Futur. C'est ça, cette vision-là, c'est ce que j'en pense. Non, faut parler dans le micro. Comment toi, t'imagines le futur? C'est un futur assez proche. C'est pas un futur genre l'an 6000, tu vois. Ça se passe 200 ans plus tard. Donc il faut imaginer que les réseaux sociaux ont pris les pouvoirs politiques, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Où t'as des gens bien des fois à la tête. Les milliardaires sont à la tête d'un pays. Voilà, par exemple. Mmh. Ou peut-être que ça peut très bien se passer, mais ou peut-être pas, tu vois. Je viens de comprendre la référence. Merci. Jacques Chirac. Exactement, ta liste. Nicolas, c'est à toi. Je te mets ton son. C'est parti, un petit peu d'Equalizer. Merci. Oui, non, bah alors moi, ma vision du futur, non, je la vois pas du tout aussi, ni aussi blanche, ni aussi lumineuse, ni aussi. Tu la vois aussi morne d'ailleurs. Non, je sais pas, je suis pas vraiment sûr qu'on aura un futur comme ça. Ah oui, en gros bad quoi. Absolument. Bah ouais, en même temps, non, mais après, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que le monde actuel m'enthousiasme pas du tout. Et donc, tu voudrais quitter la Terre? Non, mais en fait, Mars, après, bon, moi j'ai du mal à me projeter là-dedans parce que je pense que, enfin, techniquement, j'ai vraiment beaucoup de mal à considérer possible qu'un jour on aille coloniser d'autres systèmes parce qu'ils sont juste extrêmement loin. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle de vaisseaux générationnels. C'est des gros. Enfin, il faut imaginer, tu as certaines séries ou certains films de science-fiction justement qui en parlent. Donc c'est vrai? Exactement. Non, mais par contre, toi, c'était. Alors pour expliquer, un vaisseau générationnel, en fait, c'est un vaisseau où ça va prendre tellement de temps de voyager qu'il y aura des générations qui vont vivre entièrement dans ce vaisseau sans jamais le quitter. En fait, c'est ça qu'on appelle un vaisseau générationnel. Faut savoir. Enfin, c'est horrible pour les gens qui naissent dans un vaisseau et qui meurent dans un vaisseau, quoi. Après, ils connaissent que ça, mais. Attendez, vous parlez tous en même temps, j'aimerais que personne ne parle. Non, mais c'est juste que j'avais. Oh le rebelle! Non, mais c'est juste que j'ai vu. Je sais plus, putain, j'étais petit. J'ai vu un espèce de documentaire il y a longtemps, scientifique. Enfin, c'est avec des scientifiques, des experts, c'est genre de la NASA. C'est pas sorcier. Il était dans la vie. Essayer d'éplucher un peu, justement, tous ces mythes de la science-fiction, type, entre autres, vaisseau générationnel, et qui disait c'est complètement impensable. Parce qu'en termes de ressources, comme il y a plein de choses aujourd'hui qui sont impensables. C'était il y a une. Je vais dire 30 ans. Il y a une trentaine d'années. Non, mais en fait, ouais. Il y a des choses aujourd'hui qu'on pensait impensables il y a quelques années. Ouais, imagine que dans les trois dernières années, on a découvert, mais genre, le 100 fois plus de planètes qu'en dans toute l'humanité. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est juste une histoire de résolution de photos, excuse-moi. C'est que je sais pas si même. Enfin, après, je sais pas ce que donnera l'avenir, mais je sais pas si on peut penser à des. Je sais pas, à des échelles de temps aussi grandes, tu vois. C'est que le vaisseau générationnel, peut-être, d'accord, mais tu penses à combien de générations, tu vois? Parce qu'il y a des trucs qui sont à des millénaires. Bah peut-être qu'un vaisseau pourra partir sans vraiment savoir où il va aussi. C'est ça, là, c'est juste. Et de toute façon, quand on parle de telle étoile qui a je sais pas combien de millions d'années-lumière, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, millions d'années-lumière. C'est plutôt 40 années-lumière. Ah, il peut y avoir des trucs à 10 années-lumière, même. Ah, mais c'est gigantesque. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, justement, quand j'étais petit, j'avais vu ce documentaire qui m'avait frappé. Le mec, il expliquait qu'en gros, à moins qu'on arrive à réduire les masses de tout un vaisseau pour que le truc aille à la vitesse qui approche. Je rappelle, t'étais petit, hein, t'as peut-être pas bien compris aussi, tu vois. Mais ouais, non, mais qui approche éventuellement la vitesse de la lumière. C'est juste impensable. On débarque sur la sophistique. On va sur un truc trop technique. T'en es qui, par avec qui, là? On va peut-être revenir juste sur les quotidiens. Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que... Charlie, il a juste commencé, et après, on repasse, toi. Non, vas-y, Fred. Donc, Fred, on repasse à toi. Par rapport à ce que, Nico a dit de « on va s'ennuyer », je suis pas certain que... Parce que, imagine tout ce que tu as décrit là, mais avec ce qui est en train d'être inventé en matière de jeux vidéo, par exemple. La réalité augmentée, toutes ces choses-là, où on pourra, sans trop bouger de chez nous, ou quand on attend le métro, notre métro parfait, tout blanc, etc., qui va venir pile à l'heure précise, et aller très vite à l'autre bout du pays, parce qu'on va travailler à l'autre bout du pays. Je rappelle, c'est une vision utopique. Hein, Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à s'ennuyer, parce qu'on va justement avoir le temps, comme tout va être automatisé, de développer tout ce qui est les loisirs, tout ce qui est... Tout pour s'amuser, on va partir dans des choses incroyables. Donc finalement, on va peut-être pas tant s'ennuyer que ça. Non, je pense pas. Mais n'hésitez pas. Il y a Nico et Sacha qui se font des signes. Je sais pas ce qu'ils se disent. La durée du podcast. 1h38. 1h39. D'accord. Voilà, c'est pas grave. C'est énorme. On va bientôt conclure. On peut terminer un peu ce sujet-là. Je vais enchaîner. J'en profite donc pour rester dans le thème un peu futuriste. Et en ce moment, je suis en train de regarder la série qui est Black Mirror. Et je trouve que ça traite des sujets hyper intéressants. Bon, ils ont une vision des fois hyper négative. Non. Black Mirror. Non. Regarde pas la même série. Non. Mais moi, à chaque épisode, je me fais une entaille sur le poignet. Hein. T'en as qu'une. J'en ai qu'un épisode, ça va. Mais au moins, il montre un peu des aspects de notre société maintenant. Et c'est pas dans un futur, je veux dire. Oui, c'est pas si éloigné que ça, en fait. C'est pas si éloigné que ça. Quoi. Oui, c'est 10-20 ans presque, c'est Black Mirror, souvent. Hein. C'est ça. Après, je pense qu'on c'est un peu cathartique. C'est-à-dire qu'on va. J'ai pas compris. On va parler du pire, justement, pour d'une certaine manière l'éviter. D'accord. En faisant une série, en disant voilà le pire qui peut arriver, bah, on essaye de se dire voilà, en parlant maintenant, les gens vont peut-être réfléchir. D'accord. Après, bon, il y a des gens qui ont fait retour vers le futur. Avec des choses qui se passent de retour vers le futur qui se passent aujourd'hui. Bon, c'est ça, exactement. Les gens n'ont peut-être pas tous vu ce film, quoi. Et alors, juste quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup exprimé, Sacha, pour conclure un petit peu. Oups. Il faut que ce soit intéressant et bref. Sur quoi ? Quel sujet ? Donne-moi un sujet. La vision de l'avenir. Sur ta vision un peu. Ma vision de l'avenir, moi je pense que. J'ai l'impression que à force de chercher un peu loin, on va peut-être tomber sur une civilisation qui peut faire très mal, mais sans qu'on se rende compte. Donc tu penses qu'en cherchant les extraterrestres, Moi je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un extraterrestre ait envie de faire ami avec les êtres humains. D'ailleurs, on est très dangereux. Il y a Stephen Hawking, je ne vais pas le représenter. Il a dit justement le jour où on tombe sur l'extraterrestre. C'est plus ça. Super bien. Première imitation que je sais faire. Il faudra vraiment faire gaffe, quoi. En gros, c'est ça, je traduis. Ah ouais, putain. Bah, de toute façon, c'était dans le film. Qu'il était là pour penser. le jour où la Terre s'arrêta, qu'elle dit que dans toute l'histoire de l'humanité, quand une civilisation plus avancée rencontre une civilisation moins avancée, elle la colonise. C'est ça. Donc, si ça t'intéresse, bien sûr, t'es pas humain. Mais il y a un film qui sort, là, Premier Contact. Oui, ouais, absolument. Dans lequel je joue le premier rôle, d'ailleurs, je vous invite à aller au cinéma. Et oui, c'est Rachel McAdams que nous avons ce soir. Jodie Foster. C'est pareil. Non, donc ma vision du futur. Blanche, noire. On peut se baser sur les rêves de maintenant. En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu racontes là dans ton futur, dans 300 ans, on peut le faire dans 2 ans. C'est juste que ce sera un peu plus démocratisé, le ciel sera plus bleu, moins pollué, mais tout ce que tu racontes, c'est que des technologies qui existent. Je peux te relire ma dernière phrase. Non, ça va. Vas-y. Où je disais que peut-être qu'aujourd'hui, on vit déjà peut-être dans un futur. Exactement. Boom. Bah, je crois qu'on peut s'arrêter là. On peut dire merci, un petit merci. Oui, attends. À nos merci. Auditeurs. À quoi ? Merci. Quoi ? Merci. Merci qui ? Ok. Voilà. Allez, on finit avec un rire. rire de l'assemblée. Non, voilà, je pense qu'on peut conclure cet épisode 0, ce pilote de Ready to Random. Et j'ai même pas fait d'erreur sur le nom. To Random ! Musique de Space Jam. Voilà. Ouais. On n'avait pas les moyens de faire un générique de fin. Merci à Sacha. Merci. Merci à Charlie. Merci à toi, Nico, aussi. On peut remercier Fabien pour le générique. qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore fait. Mais il sera fait quand on le publiera. C'est un générique minimaliste. Nous, on va essayer de faire un épisode de Ready to Random une fois par mois. On va essayer de se tenir à cette... à cette je ne sais plus comment dynamique ça. Voilà. Vous nous inviterez on va, alors on va essayer de tourner un petit peu les équipes aussi parce qu'il y a plusieurs personnes autour de nous qui sont intéressées par faire des chroniques, donc on va soit être plus nombreux soit on va faire tourner un petit Cyril peu Cyril Hanouna, Yann Barthès mais, ne cache pas mes guests donc voilà pardon. Donc on essaiera on sera ravis de vous retrouver dans un mois en janvier, donc j'imagine pour quand on va publier. On va essayer aussi de faire. Je te coupe encore. N'hésite pas. Faire un podcast un peu plus court, des formats un peu plus d'une heure peut-être. On verra. De toute façon, on va s'améliorer, on va se caler au fur et à mesure. Les sons sont envoyés au bon moment, etc. Le niveau était déjà très haut, alors franchement. Exactement. C'est Tania qui gère les sons, donc si le niveau est un peu haut, c'est Frédéric. Ah ouais, moi je me demande, les gens qui sont en train d'écouter ce podcast depuis 1h40, je pense qu'ils vont être rares, hein, on va pas se cacher. On les remercie d'être là. Deux, ils ont avancé rapidement, ou trois, ils se sont endormis. Donc, réveil. Brosse-toi les dents à te coucher. C'est parti, mon kiki. Non, mais ou alors ils sont en train de faire la vaisselle, et du coup, en fait, comme ils ont les mains pleines de lessive, de produits vaisselle, ils peuvent pas éteindre. Donc. Mais enfin, sinon, c'est des gens qui sont dans la voiture. Je sais pas qui vous êtes, mais merci à vous. Et puis, la semaine prochaine. À dans un mois pour le premier épisode, finalement. L'épisode 1. Attends, c'est pas le premier épisode, ça, putain. Mais non, c'est le pilote. L'épisode 1, non, le 0. C'est l'épisode qu'on va donner à HBO pour savoir si on reconduit la série sur une saison. Exactement. Allez, ciao. Boom. Ciao.